et comme moi à Maniwan, et on se connaissait déjà avant ce travail de recherche qu'on mène actuellement. Notamment, Fabien nous avait invités sur un événement que Mythe avait monté qui s'appelait Abitello, si tu veux en parler. Abitello, ouais, ça faisait. C'était. On a organisé 4 jours de rencontres autour de cette thématique Abitello. Et du coup, à la fois sur des thématiques plus particulièrement sur l'eau, sur l'habitat léger, hors normes, on va dire, en général. Puis sur. Du coup, à cette occasion-là, on avait invité plein d'intervenants différents. On avait fait un espèce de site de conférence, mais un peu à la maison, dans un café librairie. Et c'était l'occasion de se rencontrer avec Comme effet d'âge à Maniwan et même d'autres. Ouais. Et du coup, qu'on exposait justement cette, le numéro-là de la revue qui n'était pas encore paru, qui était en cours d'édition. Et donc, qui traitait. Et bon, nous on avait fait le lancement de ce numéro-là, 2 années de recherche quasiment sur le rapport qu'entretiennent les territoires et les populations à l'eau, du coup des enquêtes de terrain sur des territoires assez spécifiques, entretien avec des artisans, des experts, et on a fait aussi un appel à contribution. Et c'est dans ce cadre-là, lorsqu'on avait fait le lancement, on avait fait une semaine après un événement sur la question des communs où Alexandre était présent, où il y avait les états généraux de l'eau à Bruxelles qu'on avait rencontrés sur l'événement Abitello. Il y avait Jean-Claude Oliva aussi, c'est l'équivalent des états généraux de l'eau à Bruxelles. À Paris, c'est un espèce de syndicat alternatif de l'eau structuré en association. Et c'est là qu'on avait eu ces échanges avec Alexandre. Du coup, quand on est arrivé, je lui ai écrit et il m'a orienté sur vous. Ouais. Donc, peut-être qu'on dit brièvement ce que fait Mythe à Maniwan, comme ça. Oui. Qui parle ? Honneur à Maniwan. Ok. Moi, je contacte les Québécois. Donc, comme moi, on est entre autres 2 représentants d'Amaniwan sur ce projet-là. Amaniwan, c'est une plateforme qui s'intéresse aux problématiques de territoire et de population à travers le monde, mais le plus souvent qui se développe de manière autonome, indépendamment de l'aide des pouvoirs publics. Et chaque territoire est défendu par une personne qui est originaire de ce territoire-là, qui a un ancrage personnel très profond. Donc les enquêtes qu'on mène se font directement sur le terrain auprès des acteurs locaux. Et derrière, cette recherche nous permet de faire levier sur des projets d'action. Donc on prend un temps de recherche assez long pour ne pas foncer tête baissée et construire tout de suite. On questionne vachement la question de la légitimité à faire, etc. Et le collectif Mythe, alors on se connaît depuis une dizaine d'années. On a maintenant beaucoup rentré à l'école d'architecture, mais ça s'est vachement diversifié avec des gens qui viennent aussi d'autres univers. On a commencé beaucoup avec des questions de conception-construction, donc de s'approprier un peu l'acte de faire et de ces questions-là. Et par toute une série de projets expérimentaux, on est venu à toucher un peu à plein d'univers différents. Donc là, sans qu'on soit tous au complet du collectif Mythe, il y a déjà un peu un panel, genre Alice est paysagiste, Alice est responsable de production, Claire fait aussi un doctorat en philosophie, Andreas est maître d'œuvre, moi je suis artiste. Voilà, ça vous pour montrer qu'en partant un peu de cet intérêt pour l'architecture et la construction et comment faire les questions de savoir-faire qui sont derrière tout ça, on s'est un peu approprié ça et du coup avec nos compétences différentes, on reste en collectif et en synergie pour. Et du coup la question de l'eau au sein du collectif Mythe, on apporte depuis un petit moment, c'est un des centres de travail, notamment avec Abitello, mais qui continue. Un peu en parallèle à peu près aussi hein, des projets de résidence sur la question des savoir-faire de la construction navale, etc. Enfin, il y a plein de projets. Ce qui nous amène peut-être à travailler ici, ce qu'on fait là. Ah ouais. C'est un appel à projet qui a été fait en collaboration entre la maison. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc le Québec et Nantes. Donc 3 semaines, c'était un peu expliqué dans le mail brièvement, 3 semaines ici, puis 3 semaines à Nantes, et on collabore avec ADOC, Agence d'architecture ici. Je ne connaissais pas, je connais un peu les gens de là. Ouais. Ah ok, ouais, un petit peu. Donc, On a failli travailler ensemble, c'est pour ça. Parce qu'on fait, je fais beaucoup de participation citoyenne, dans les appels d'offres, à Montréal, il y a une obligation de consulter les citoyens dans les grands projets. C'est que souvent, on nous appelle, on appelle ma boîte Pierre Collab pour venir faire cette partie-là d'expertise assez particulière dans les projets. Donc, je travaille avec plusieurs boîtes d'architectes paysagistes de Montréal, d'urbanistes. Fait que je connais Venant, on a pu travailler ensemble sur Gérald Godin, notre Mont-Royal. Ça n'a pas marché. Voilà. Le monde est petit. Montréal, c'est pas grave. C'est souvent des. Alors, c'est des tribus. Je dirais pas des tribus, c'est comme des petits ensembles. C'est que quand tu mets le pied dedans, tu fais le tour assez rapidement de qui connaît qui. Fait que c'est même dans toutes sortes de secteurs, d'économie sociale, tu fais le tour rapidement des joueurs. Après ça, c'est le positionnement de chacun, quel jardin les gens veulent garder secret, puis le terrain. Puis... Les collaborations sont relativement faciles, mais c'est extrêmement dur de faire sortir les gens, vraiment faire des vraies collaborations dans la durée, dans le temps, c'est assez difficile. C'est une culture. Donc, ils viennent vivre 5 années d'austérité. Genre 5, je suis gentil, 5, parce que ça commençait avec les conservateurs, puis avec les libéraux au Québec. Là. C'est que les gens couraient après les ressources. Alors, ça a amené une certaine compétition entre les organisations. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe. Je dirais que par rapport à ce qu'on peut voir en Europe, les sous ne tombent pas en cascade immense. Même si vous avez des propres difficultés, il reste que quand même des bassins d'argent pour l'Europe et tout. Ici, les 5 à 10 dernières années, c'est l'ultralibéralisme. On coupe les programmes soft, ceux qui touchent la culture, ceux qui touchent... ce qui n'est pas essentiel, parce que c'est une culture très pragmatique des conservateurs. Il faut juste avoir des routes, des voitures sur les routes et du pétrole. C'est pas une compétence première, comme on dit. C'est ouais, après ça, les gens doivent manger, avoir des emplois. Mais tant que tu occupes les gens à conduire leur voiture, à faire des routes et à construire du béton, tout va bien. Quand le bâtiment va, tout va. C'est la vision conservatrice on garde l'existant, mais on fait juste le prolonger. Tout ce qui est extra, sa sculpture, c'est la protection sociale, tout ça. Mais ça, on vient de passer cette période-là. Nous, on est encore avec des conservateurs au Québec, la dernière élection de la semaine dernière. C'est encore des conservateurs. On se demande s'il y a une partie sur les années d'austérité, parce qu'encore les autres sont sur l'essentiel. On remet de l'argent dans les poches des contribuables. On est juste des contribuables avec une poche donc on peut mettre de l'argent. On n'est pas des citoyens. Qui ont une capacité d'imagination, juste des contribuables qui ont besoin d'avoir des sous dans leur poche. Ça, c'est la situation du Québec en 2 minutes. Fait que les projets, la transition, la décroissance, les communs, c'est une frange assez particulière de la frange proche de ce qui est plus à gauche au Québec solidaire, l'économie sociale. C'est la zone où on a le plus de sensibilité présentement sur ces questions. Ben ça en vient à des questions qu'on a. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent? Juste un petit point de technique. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on enregistre pas de problème, oui. Nos échanges? Du coup, je vais peut-être rapprocher ça. Oui. Et deuxième point technique. Donc, on travaille avec. Du coup, j'ai pas écouté la présentation, mais en gros, les Québécois de Vlan arrivent dans 15 minutes. Ok. Et du coup, peut-être juste pour. Sur le cadre de la résidence. Alors, la résidence s'appelle Réhabiter le fleuve. Maintenant, on a répondu à ça, mais qui est surtout un intitulé qui est en fait le fond, on est allé le développer, mais en gros, nous, ça nous importait d'orienter notre travail avec une intention derrière ce titre-là, Réhabiter le fleuve. Et c'est la notion de l'eau comme bien commun qu'on a mis au centre. Et avant qu'ils arrivent, on peut aussi vous dire ce sur quoi on voudrait vous entendre, savoir combien de temps vous avez aussi. J'ai tout l'avant-midi. Ok, super. Donc il y a à peu près 5 points, on va dire grosso modo, de vous entendre d'abord assez brièvement sur ce qu'est Percolab, Communautique et Remix the Common. Enfin, comme ça, tout le monde peut être au courant, certains connaissent déjà certaines des plateformes. Il y a donc vous présenter en quelque sorte aussi. Il y a la question des communs en général, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous l'abordez, de commons au sens très large. Et puis peut-être ensuite avoir une entrée sur la question de l'eau, parce que c'est un peu un volet qui nous intéresse énormément. Et on avait fait, nous, un exercice de capsule. Tu peux peut-être en parler parce que c'est... L'exercice, c'était de commencer notre approche. On est des équipes très différentes, qui sont des contextes assez différents du rapport à l'habité, à l'eau et au bien commun. De garder un instantané de notre perception avant qu'on commence à travailler ensemble. Mm-hmm. On a fait l'exercice chacun de dire qu'est-ce que nous évoque, c'est quoi notre rapport à l'eau, c'est quoi notre rapport à l'habité et c'est quoi notre rapport au bien commun. Mm-hmm. C'est que ces exercices-là avant. Votre ligne de base. Voilà, avant de commencer ensemble, garder une trace aussi de notre perception avant qu'on construise un propos commun. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'on aimerait bien proposer cet exercice-là aussi aux intervenants qu'on a. Mm-hmm. Donc peut-être soit parler librement pendant notre échange, soit par après, selon le format qui est le plus. Juste d'avoir en tête qu'on est intéressé par ces notions-là, l'eau, l'habité et le bien commun. Mmh. Et le dernier, c'est ça. Le dernier point, c'est les enjeux des communs à Montréal. Donc savoir un peu plus. Sur Montréal. Ouais. Parce que donc c'est grosso modo 4-5 points, mais on fera le rappel à chaque fois. Mmh. Ça peut aussi être fluide de sortir de. Et j'ajouterais le fait que peut-être de vous entendre aussi sur si vous percevez, comment vous percevez une différence entre commun et bien commun. C'est une question peut-être. Oui, c'est. Est-ce qu'on attend, rien d'attendre de l'eau. T'es sûr, oui. Ben, peut-être parler de un petit peu d'où je viens, puis ça va permettre de voir les connexions. Là, moi, je suis historien de formation. Je suis tombé dans le web. Je suis tombé dans les technologies éducatives. Puis, je travaillais avec ma collègue Samantha Slade. Puis, on était dans la même boîte. Puis, on trouvait que la boîte était trop petite. Puis, il fallait sortir l'apprentissage. Là, c'est le learning, là, l'apprentissage des cadres très structurés dans lesquels on travaillait. On voulait faire en sorte que tout devienne de l'apprentissage. On est des pédagogues de formation. Je ne dirais pas que je suis un pédagogue de formation, mais ça est venu par la suite, mais je suis un technopédagogue. C'est comment on utilise la technologie pour apprendre. Puis, en créant la compagnie Percolab en 2007, mais officiellement en 2008, on est en opération. L'idée, c'était de regarder comment on peut mettre l'apprentissage au cœur d'autres choses que l'apprentissage formel. C'est l'apprentissage dans l'organisation, l'apprentissage au service de collaboration, au service du travail collaboratif, de la participation citoyenne. Donc, on a vraiment exploré une très vaste palette de situations où on avait toujours un regard de pédagogue sur comment on fait de la participation citoyenne, comment on transforme les pratiques au sein d'une organisation. Fait que, depuis 18 mois à peu près, donc j'ai quitté Percolab en fait. Je suis en train de vendre mes parts dans Percolab pour aller retourner dans mes terres, je dis souvent, dans mon travail de technopédagogue. Mais en même temps aussi, en cours de route, ben, on a beaucoup travaillé avec une organisation qui s'appelle Communautique. Moi, je connaissais d'avant Percolab, puis Communautique, c'est des amis avec, je ne sais pas si vous les connaissez, vous avez entendu parler? On en a entendu parler. Bon, Communautique, c'est un peu par qui, mais indirectement, parce que c'est surtout par Alain Ambrosi. Alain, il s'excuse, il aurait pu demain. Sa blonde part en voyage à Paris, justement. Fait qu'il était dans les déplacements et tout ça, donc il aurait... Puis demain, c'était compliqué pour moi, donc on ne pouvait pas vraiment. Donc Alain, c'est Alain qui a vraiment, en rencontrant Frédéric, mais dans l'occasion des grands forums internationaux, le Forum social mondial, Alain a travaillé dans le sommet mondial sur la société de la formation. C'est là que les communs sont revenus modernes, donc le commun numérique. C'est un peu comme ça qu'Alain a pris les communs, l'a ramené à Montréal, puis il travaillait avec Communautique. Puis c'est au sein de Communautique qu'il y a eu commencé à avoir une réflexion autour des communs. Ça a été, ils ont créé le projet Remix, il a été incubé à l'intérieur de Communautique. Et c'est un projet Remix, au départ, c'est un projet qui était financé par le Fonds francophone des inforoutes. Donc, ça incluait du monde du Sénégal, des gens de France, des gens de Québec. Donc, c'est un projet. Puis, le Remix a toujours resté sur plusieurs piliers. On a encore des contacts avec des amis au Sénégal. On n'est pas du tout centré Paris, là, mais ça a été un effet de transition qui s'est revenu sur Paris. Là, on est en train de se redéployer. Non, mais donc, le projet était Communautique avec Alain Ambrosi. C'est lui qui a pensé le projet Remix. C'était axé beaucoup sur la vidéo. Parce qu'Alain, c'est un gars de vidéo. Ça a été documenter les communs. Et en même temps, on a emprunté, dans le cadre de Remix, une initiative qu'il y avait au Sénégal, c'était le déjeuner des communs. Et ça, si vous allez trouver ça en ligne, c'est sur Communautique, vous allez, ou sur Remix, vous allez voir, il y a une vidéo, il y a eu un petit déjeuner des communs sur la question de l'eau, qui a été faite sur un voilier ici. Donc ça serait pour voir un petit peu où ça en était en 2012, je dirais, 2012-2013, ces réflexions-là. Mais donc, il y a eu ce travail-là de Remix, de documenter. Puis pendant, à toutes les occasions qu'il y avait un sommet ou une conférence sur les communs, ben la caméra débarquait, puis on posait la question aux gens, quelle est votre définition des communs? C'est qu'on en a plus de 100 définitions des communs. Ça va de, les communs, c'est un état d'esprit, jusqu'à les communs, ben c'est le petit dispositif ici, là, de gouvernance, très technique. Là. Donc, il y a vraiment une palette incroyable. Mais il reste qu'à travers cette réflexion-là, à Remix, on est à peu près sur le même plan de travail que 2010. C'est juste les accents qui changent, puis on sent comme l'évolution du mouvement des communs, au sens, si ça existe, le mouvement des communs, mais cette quantité de personnes qui travaillent sur les communs avance dans l'implantation de communs, dans la protection de communs, on est capable de mieux articuler, vraiment, c'est les 6-7 dimensions des communs qu'on avait identifiées en 2010. Moi, je suis arrivé dans le projet en 2012-2013, à l'occasion d'un petit déjeuner des communs. Et puis, à partir de là, on est allé commencer à travailler dans Remix avec Fred. C'est un collectif ouvert. Ceux qui veulent travailler dans Remix, ils vont. Alexandre, c'est comme ça. Alexandre, il travaille en commun, mais dans Remix. Mais il est membre de Remix, mais il n'y a pas de salaire. C'est un commitment. Je mets du temps dans le projet. On est un peu là-dessus. Commencé avec Fred à partir de 2012-2013 à travailler dans Remix. Mais c'était beaucoup... à l'époque, c'était beaucoup faire... redéployer un peu la masse d'informations qu'ils avaient. C'est qu'on a retravaillé le site web, on a fait un wiki basé sur des techniques sémantiques pour commencer à pouvoir s'accrocher à autre chose. Puis, en même temps, en faisant ça, c'est un exercice de voir Remix comme un outil au service des commandes, plus que juste de la documentation. Fait que dans Percolab, on a toujours introduit ça. En 2014, en Percolab, on a, en revenant de Berlin, en 2013, une conférence sur l'économie et les communs. À Berlin, on avait participé, nous, dans un... On avait animé pendant deux journées de pré-conférence sur les communs et les communications culture. On avait été très frustrés de la conférence parce qu'on trouvait que c'était anti-commun. Des grandes conférences intellectuelles avec quelqu'un qui parle, tout le monde assis. Puis nous, on avait observé que tous les gens d'Amérique latine qui avaient été invités étaient tous descendus en bas en cercle, en train de discuter entre eux autres. Ils avaient l'occasion de se parler. Ils ne voulaient pas entendre la conférence. En plus, c'était filmé. Fait on allait faire autre chose. On les recoutait de film. Et qui perdait rien. Mais nous, on était très frustrés. C'est qu'on a travaillé avec Communautique, puis les principaux acteurs du Common Strategic Group, c'est-à-dire David Boyler, Silke Heifrich, puis Michel Bowens, qui n'a pas pu venir, mais qui était là. C'est vraiment, il y a un groupe qui s'appelle CSG, le Common Strategic Group, qui est plus ou moins maintenant, mais c'était trois personnes derrière l'animation à l'échelle internationale des communs. Puis c'est Silke Heifrich, qui était en Allemagne. David Boyler, qui était ici dans le masque, mais je pense qu'il était en résidence un peu partout de ce temps-ci dans le monde. Puis Michel Bowens, qui est P2P Foundation. Donc ça, c'est les trois qui animaient. Donc on a fait un événement à Montréal qui s'appelait The Art of Commoning pour montrer que c'est l'art de l'en commun, en fait, qui est intéressant. C'est pas le commun, l'objet. C'est comment on convient ensemble de prendre soin de quelque chose. Puis c'était un peu la définition qu'on s'est donnée à Montréal du groupe qui a travaillé sur ce projet-là. C'est donc l'art de l'en commun, l'art de faire ensemble. C'est ça un commun. C'est pas l'objet comme tel, l'eau, si vous prenez l'eau comme un commun, l'eau, ben c'est de l'eau. Mais le fait que des communautés se mettent ensemble, puis c'est vraiment toujours la belle définition de Alain sur qu'est-ce que c'est un commun pour lui, mais c'est une communauté qui décide de prendre soin, qui crée ou qui prend soin d'une ressource pour la pérennité, mais en se donnant des règles pour en prendre soin. C'est à peu près ça. Ça, c'est Armstrong ramené dans une petite définition. Vous allez la trouver sur Remix, c'est notre définition fétiche. Il y a la vidéo, une petite définition sur les communs, mais il reste que c'est un peu ça. Donc, si c'est ça, le saut qu'on a fait, puis c'est un travail dans lequel Percolab est encore aujourd'hui, puis c'est le travail vers lequel on continue dans Remix, c'est comment développer ces pratiques de l'en commun. Comment soutenir les commoners dans leurs pratiques, puis comprendre qu'il y a la posture de commoners. Parce que dans notre vie, on est tous un peu commoners. On a tous besoin de choses très privées pour notre identité, mais on a aussi une identité qui vient du fait qu'on est des êtres sociaux. Et dans ce rapport avec les autres, bien, on peut faire du commoning. Et puis, donc, on est vraiment là-dessus. On est sur le point de travailler. On a plusieurs projets sur la table. Il y en a un qui serait à travailler à l'échelle sur une conférence ou quelque chose autour de l'identité et des communs. Et justement, jouer en cette question-là. Comment je participe? Mais vous, ce qui vous intéressait aussi, c'était la pratique de l'en commun, ça se décline comment? Donc, le tout projet d'Atlas des chartes des communs, c'est de regarder à partir des communs urbains qui existent, comment ils se sont donné des outils pour faire en sorte que le commun existe. Donc, la fameuse question des règles, de la charte, comment on élabore ça? Qu'est-ce que ça prend comme groupe? Puis ici à Montréal, dans les quelques projets qui sont un peu actifs, qui sont vraiment dans le framework des communs, c'est vraiment là où ils butent. Ils n'ont pas de modèle. Comment on fait des communs? Comment ça se fabrique? Comment ça se constitue? Comment une communauté se prend en charge? Il y a un groupe à Montréal qui devrait vous intéresser. Je ne sais pas si vous connaissez Solon. C'est le collectif Solon. C'est un groupe avec lequel on commence à travailler un peu. Eux autres, ils se sont appropriés. Ben, à Montréal, c'est très récent, vraiment. Pardon, ça s'écrit comment? S-O-L-O-N. OK, merci. Vous pouvez les contacter, Gabrielle ou Bertrand. Là. Gabrielle, c'est la coordonnatrice. Gabrielle Van Buren. C'est un groupe qui a commencé à travailler sur les ruelles vertes. À Montréal, il y a un mouvement des ruelles vertes. À Montréal, on a des ruelles. Comme à Édimbourg, mais c'est particulier. C'est vraiment une particulière. Pas toutes les villes qui en soient, mais à Montréal, il y a des ruelles. Et les ruelles, c'est la ville qui s'en occupe, mais souvent s'en occupe peu parce qu'ils s'occupent davantage de la chaussée que de ces ruelles en arrière. Puis c'est un espace de vie. Toutes les maisons ont souvent des jardins qui donnent sur la ruelle. C'est que les enfants sortent, jouent dans la ruelle, ou on joue au hockey dans la ruelle, on fait du vélo, on apprend à faire le vélo dans la ruelle. Donc, le projet des ruelles vertes, c'est pour contrecarrer un peu l'effet de bétonisation, d'îlots de chaleur, de... Il y a des gens qui ont commencé à verdir les ruelles un peu à la sauvage, puis la ville défaisait ces aménagements-là en disant « ben non, c'est pas sécuritaire, il faut que le camion de pompier puisse passer. » Donc là, ils ont commencé à avoir des projets avec la ville, certains arrondissements de Montréal, de dire « non, on va accepter que les citoyens prennent la ruelle, l'aménagent comme ils veulent pour ralentir le trafic, pour les enfants, calmer le trafic. » Donc c'est souvent des aménagements très légers. Et l'idée de dire que déjà, pour obtenir une ruelle verte, il faut que les 75% des citoyens riverains signent. Puis selon, en fait, comme « ah! » Ça veut dire qu'on est déjà en train de constituer... Il y a comme une petite graine ici là, sur laquelle on pourrait miser. Si on est déjà 75% des citoyens sont d'accord pour faire une ruelle verte, qu'est-ce qu'on peut faire après? Où est-ce qu'on peut aller? Tu sais, c'est la République de la ruelle. Ça, c'était une ruelle... C'est la Ville de Montréal qui dit, si vous voulez avoir du financement, vous devez faire signer 75% des riverains. Pour avoir du financement? Un petit financement, c'est quoi, max 5 000 $ à peu près, là, mais ça permet de mettre trois bouquets de fleurs, remettre la peinture au sol, mettre un peu d'affichage. Les riverains concernés par la ruelle? Les riverains de la ruelle. OK. Ben, pas tout le quartier, c'est vraiment la ruelle. Mais c'est intéressant. Les autres ont commencé à travailler là-dessus, puis ils trouvent ça très difficile, parce qu'ils disent, dans le fond, effectivement, cette capacité des communautés, des collectivités, on ne parle pas de groupes spontanés qui s'adressent. Bon, ce qu'on a une culture du communautaire ici au Québec, là, ce qu'on appelle groupe communautaire Québec, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le sens de France, là. C'est pas le sens communauté culturelle. Là. C'est vraiment groupe communautaire ici au Québec. C'est des groupes de population qui se mettent ensemble pour répondre à un besoin criant, s'occuper d'un coin de rue, ouvrir une clinique de santé. Ça a été ça. Le milieu communautaire au Québec, c'est un milieu très, très riche. C'est pas d'économie sociale nécessairement. Ils ont souvent un prestataire de l'État pour des services qu'ils offrent, mais en même temps, ils ont une certaine grande indépendance. Il y a le comptoir de vestimentaire, il y a des cuisines collectives, des associations de défense de droits. Ça, c'est ce qu'on appelle le milieu communautaire au Québec. Puis de ça est extrait un peu la branche économie sociale. Donc, c'est des groupes communautaires des groupes populaires qui ont réussi à développer une offre de services, qui vendent des services ou des biens. Donc là, on est dans l'économie sociale. Mais ici, au Québec, il y a une distinction. C'est assez flou, mais il y a une distinction assez claire qu'il y a des gens qui se réclament du communautaire, puis il y a des gens qui se réclament de l'économie sociale. Puis c'est pas pareil. Tout à fait pareil. Pourtant, selon vous, l'économie sociale viendrait... Ben, lorsque tu es un peu dégagé de ça, puis tu peux parler librement devant un micro. Ouais. Mais c'est important à savoir, parce que c'est comme des longues luttes populaires qui ont amené des groupes qui ont décidé de prendre en charge, qui ont amené ensuite une émergence d'économie sociale. Donc, on est vraiment sur un cycle des grandes luttes des années 60-70, groupes populaires, très locaux. Dans le quartier, on est Saint-Henri. Saint-Henri, c'est un endroit, mais tout le sud-ouest, ce qu'on appelle le sud-ouest de Montréal, c'est les premières cliniques d'aide juridique, les premiers groupes de ressources techniques en architecture pour bâtir des coopératives d'habitation. Donc, c'est des groupes d'architectes engagés qui ont décidé de créer des groupes de ressources techniques pour aider les communautés à développer des coopératives d'habitation. Maintenant, il y en a des très gros, Bâtir son quartier, qui est un des plus gros, qui est le plus gros au Québec. On parle de 5, ils peuvent faire jusqu'à 2 000 logements par année, là, de réhabilitation de bâtiments et tout ça. Donc, il y a des groupes de ressources techniques qui sont assez importants pour ce logement social. Mais ça, c'est toutes des histoires de luttes populaires qui sont devenues instituer des groupes communautaires qui ont réussi à avoir des programmes qui leur permettent de vivre, puis de faire de l'alphabétisation, de faire, on est en éducation populaire, on est en... Et de ça est venu, dans les années 90-95, l'émergence du secteur de l'économie sociale. Ici, on ne dit pas solidaire, mais social d'abord, qui est très... très donc, c'est un peu ce paysage comme ça. Mais dans tout ce monde-là, présentement, les communs, ça commence à peine. Je vais parler aux gens d'économie sociale, ils en ont fait depuis longtemps. Je vais parler aux groupes communautaires, ils disent, ben, nous, c'est juste notre mission, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement la notion de groupe communautaire. Mais c'est, en même temps, c'est intéressant, c'est un challenge pour nous de dire, oui, mais si s'approprient ce concept-là, parce que s'ils font vraiment de l'en commun, parce que faut gratter un peu, on parle de gouvernance, on parle de manière d'être ensemble, hein. Puis ces groupes-là sont assez pyramidaux, je dirais. Puis de prendre soin, puis souvent, ils ont une mission très pointue. En tout cas, il y a comme une question de pouvoir là-dedans, là, autour des communs, puis ça n'est pas nécessairement réglé. Quand tu en parles aujourd'hui, là, c'est de faire comprendre que le pouvoir est distribué, puis que le pouvoir se déploie différemment dans un commun que dans un groupe communautaire. Là. Parce que le groupe communautaire, il y a une loi, c'est la loi des organisations, c'est... Les groupes communautaires sont la même loi que les compagnies privées. Loi sur les organisations, c'est quoi? Enfin, juste pour nous, oui. On a un modèle français qui est très basé sur l'association. Oui. Vous expliquer juste le pendant ou la différence. Il y a deux formes légales très, très distinctes au Québec. Il y a ce qu'on appelle les compagnies. Il y a la loi des compagnies dans laquelle sont tout ce qui est sans but lucratif. C'est là que tu vas retrouver l'associatif. Donc, ce qu'on appelle l'organisation sans but lucratif, l'OBNL, l'OSBL, il y a des noms pour ça. Ça, c'est donc la loi des compagnies, les compagnies par actionnariat, puis tu as ce groupe sous la même loi, tu as le chapitre sur les organismes sans but lucratif. Ça a été modifié dans les dernières années, ça a amené beaucoup de turbulences, là. Mais il reste que donc, eux autres n'ont pas le droit de faire de profit. S'ils ferment, tout l'argent s'en va retourner à l'État, tandis qu'il n'y a pas d'actionnaire, là, mais ils ont des obligations. Puis l'autre loi, c'est la loi des coopératives, qui est complètement distincte. Puis ça, c'est des longues luttes législatives au Québec depuis c'est dans les années 1890, ça a commencé, d'avoir une présence coopérative, parce que ça embêtait beaucoup les gens, que tout le monde avait un droit à un vote. Hein. Puis c'était un beau débat qu'il y a eu dans les années 90 au Québec. Mais la loi des coopératives est à la fois fédérale, tu peux être une coopérative fédérale, puis tu peux être une coopérative québécoise, provinciale. C'est pas toutes les provinces qui ont des lois sur les coopératives. Saskatchewan, qui est la coopérative d'agriculteurs, ça c'est vraiment eux autres et la province qui est le plus avancée en termes de coopérative. Là. Il y a une loi assez. L'Ontario, c'est Québec, ça c'était l'Ontario. Mais la loi canadienne, c'est quand tu travailles à l'échelle du Canada, tu peux être une coopérative. Il y en a quelques-unes, des grosses coopératives. Je pense à MEC, je pense à une grosse coopérative d'assurance aussi qui ont une charte canadienne. C'est pas les mêmes. Mais au Québec, là, l'économie sociale, ça regroupe le secteur coopératif plus. Les OBNL qui ont une offre de service, de produits de service, de vente, ils vendent leurs services, qui ne sont pas dépendants de l'État pour leurs activités. Ça se fait à peu près la ligne. T'es dans l'économie sociale si t'es pas dépendant de l'État. Fait que ça, c'est... Bonjour. Bonjour. Fait que c'est un peu tout le... C'est présentement là où on parle des communs, mais on en parle sans trop ou en surface, mais c'est normal, c'est l'appropriation. Je dirais que ça fait pas 18 mois, 2 ans, peut-être, où ça commence à atterrir. Là. Fait que quand on parle de commun ici, puis ça a pris, c'est comme une conjoncture. Hein. Nous, on a fait beaucoup d'activités, on en a beaucoup parlé, puis finalement, ben, ça a eu peu d'écho. Puis là, finalement, ça a été le travail des gens du Thiès qui ont amené un peu ça. Ça a été Jonathan Durand-Folco qui a écrit un livre sur... un peu dans l'esprit. Jonathan Durand-Folco est professeur à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ils ont lancé un nouveau département d'innovation sociale avec des jeunes profs qui sont bien dynamiques, sont partout. Puis il va souvent en Europe, il est bien connu en Europe, plus qu'à Montréal. Bizarrement, mais ben, il est super sympathique. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur. Sur la ville. C'est comme reprendre la ville, c'est sur le droit à la ville, autrement dit. Un livre sur le droit à la ville, comment la ville est un espace démocratique qu'il faut investir parce que c'est là que on peut vraiment faire du changement. Donc c'est quelqu'un d'intéressant. Je sais pas si vous finissez son livre. Titre de son livre, Jonathan Durand-Folco. Jonathan a fait beaucoup, parle beaucoup des communs, c'est que ça a amené. Puis là, ben, le Thiès a eu un petit groupe de travail, ils ont fait un événement sur les communs. Donc, il y a comme un. Ça, ça commence à lever un peu. Puis, ils viennent de lancer, le Thiès vient de lancer une plateforme de communauté de pratique qui s'appelle Passerelle, dans laquelle ils ont mis un groupe de travail sur les communs. Un groupe de travail, une communauté de pratique sur les communs. Mais on parle encore que c'est très peu de gens qui sont. C'est qu'au Québec, en général, lorsqu'on parle des communs, ben, tu as la pointe qui représentait le groupe de communautiques avec Alain Ambrosi, Fred, puis communautique, puis ben, nous, percolame un peu. Donc, puis, des gens comme Elisabeth Hunt qui travaille à Concordia. Donc, on était un petit groupe, plus un petit peu les gens de l'économie sociale qui sont très proches de Michel Bowen, donc de ces grands acteurs à l'échelle internationale. Mais c'est pas. Fait que la question de l'eau comme eau et commun, ben. C'est-à-dire, ce qu'on doit faire, c'est une façon analytique. Tu dois rattacher ça. Quand tu es dans le paradigme des communs, tu peux rattacher les choses. Tu peux commencer à accrocher les choses. La seule chose qui est vraiment. Parlant de fleuve, le seul groupe qui est vraiment. Bien, on ne sait pas s'il vivote, s'il continue encore. C'est un gars qui est. C'est la coalition des Grands Lacs. Parce que vous savez que le fleuve, hein, ça vient des Grands Lacs. Et la coalition des Grands Lacs, il y a un type qui travaille pour faire des Grands Lacs dans l'esprit des communs, de travailler à faire en sorte de préserver les Grands Lacs comme un commun. Mm-hmm. Et je pourrais vous donner ses coordonnées, je t'enverrai, comme j'ai déjà ton contact, je t'enverrai. C'est qu'on a tous accès au même. Bon, ben c'est ça, je vous enverrai, là, vous aurez c'est le... commun. Oui, mm-hmm. je me fais une liste mentale des choses que je pourrais vous envoyer. Super. Je pense qu'il y a une entrevue sur Remix, mais il y a un type qui a travaillé sur cette question-là, mais tiens, une personne qui travaille là-dessus, c'était pas de que... Pas avec les Grands Lacs, avec les intérêts d'aller pomper l'eau dans les Grands Lacs, avec les moules zébrées, avec tout ce qui peut se passer, la pollution, ben, ça, c'est toutes sortes de choses qui me connaissent. Parce que ça descend. Les moules zébrées, c'est les bateaux qui passent sur le Saint-Laurent, s'en vont jusqu'au Grand Lac déposer leurs affaires, puis là, ils vident leur ballast. Ah ouais. En vidant leur ballast, ben, c'est de l'eau qui vient d'Asie, qui vient un peu partout. Ah. Fait que là, en vidant l'eau, ils ont envoyé des moules zébrées dans le Grand Lac. Puis là, ils sont en train de boucher toute la canalisation tranquillement du Grand Lac, puis ça descend jusque chez nous. Ça commence à rendre ici. Quand on dit, ma question que j'avais pour vous, mais c'est sûr, il y a une question, c'est de quelle eau vous parlez? De quelle eau, ben, le fleuve... Est-ce... Dans quelle phase? Gazeuse ou neige ou... C'est même au sens large, mais c'était peut-être... Glace? C'était peut-être même de considérer un territoire de l'eau. Et donc, je crois qu'on ne détache même pas l'eau de la terre, c'était un truc, on ne les met pas en opposition. Et c'est pas le fleuve et puis c'est pour ça que l'habité, on s'est posé cette question de l'habité, qu'est-ce que c'est, mais on a chacun une vision qui est cette capsule qu'on n'a pas encore écoutée, et on confronte ça. Donc c'est pas de considérer le fleuve avec ses limites actuelles et de dire on travaille là-dessus, c'est toute la porosité que ça tisse aussi. Donc je sais pas si ça répond à votre question, mais ouais, c'est parce que intéressant, parce que ça vient comme ça, c'est notre température, notre climat à Montréal vient des Grands Lacs et du golfe du Mexique. C'est les deux systèmes qui font en sorte qu'on a la température de fou qu'on peut avoir. C'est-à-dire, il peut faire chaud au mois d'octobre, comme je ne sais pas si vous avez vécu lundi. Ouais. On est un peu perturbé. Ouais. 26, là. Ça, c'est le golfe du Mexique. C'est tous les ouragans qui remontent, qui nous amènent, qui poussent la chaleur du sud vers chez nous. Puis on a le système des Grands Lacs qui nous amène de la pluie de l'hiver, surtout l'hiver. Mais c'est vraiment des systèmes. Ils sont bousculés, ces systèmes, avec les changements climatiques. Là. C'est un peu énervé. Là. Mais il reste que. Mais il faut comprendre que le fleuve vient des Grands Lacs, notre climat vient des Grands Lacs. C'est pour ça que je posais la question de quelle eau vous parlez, parce que on reçoit de la pluie. Montréal, c'est super humide. Moi, je viens du nord, je viens du lac Saint-Jean. Si je viens du nord, Montréal, c'est humide! C'est vraiment humide. Puis tous les gens, l'été surtout, mais l'hiver aussi, c'est humide. C'est-à-dire, l'eau est tout ce sentiment d'humidité. Puis tu as ce corridor-là aussi, le corridor des tempêtes qui passent. C'est de moins en moins vrai à cause des changements climatiques, mais c'est vrai que c'est un corridor de. Le fleuve amène ce corridor-là. Puis à la neige. Puis donc, on a de l'eau dans toutes sortes de phases ici à Montréal. Après toutes ces phases. Justement, c'est un peu. Là, quand même, vous en avez deux, là. L'humidité dehors, vous avez la chaleur complètement chaude, humide, là. C'est facteur humidex. On va pas l'analyser, les scientifiques. Non, non, on sait un peu aborder toutes les facettes. C'est justement de cette immersion. Donc, on va beaucoup se balader au bord du fleuve. On va bien aussi autour des rivières, parce qu'il n'y a pas que le fleuve aussi. Mais dans ma tête, quand j'ai eu le message, puis on commence un peu à penser, je suis allé voir, je dis, parce que l'habiter l'eau ici, c'est l'habiter dans toutes ses phases. Les gens, l'été, ils ont des climatisations au bout, dans leur voiture, ils sortent de leur voiture au fret, puis ils rentrent dans leur maison au fret, puis ils gueulent qu'il ne fait pas chaud l'hiver, tu sais. Il est comme ça, là. C'est une caricature, mais c'est vrai. Moi, je fais du vélo l'été, puis je suis content quand il fait 36 avec un facteur index de 42. Là. Je suis content, il fait chaud. On en profite. Puis là, tu passes à côté des voitures. Qui... Mais il y a l'humidité. Les gens n'aiment pas l'humidité. Les gens n'aiment pas. L'hiver, ça chiale à cause de la neige. Ça n'aime pas la neige. Ils sont contents d'aller faire du ski, tout ça. Mais même... c'est assez tordu, mais c'est quand même de l'eau. Puis on habite dans l'eau, ici à Montréal. Autour de l'eau, on habite dans l'eau, dans l'humidité. On habite sous la neige. On a construit des villes souterraines pour pouvoir être habillé en californien en plein hiver, à moins 30. On peut se balader. Pour moi, ça, c'est... Question peut-être directe de l'art d'historien. Est-ce que c'est un rapport qui a toujours été selon... Quand les Français sont arrivés ici, ils ont appris beaucoup des Amérindiens sur comment tu passes un hiver sans fruits, sans légumes, sans... Ben, faut du stock. Du stock de quoi? Ben, faut du stock de nourriture. Puis il faut que tu apprennes aussi à avoir de la chaleur. Puis avoir de la chaleur, ben, ils sont arrivés avec les maisons françaises, puis ils se sont bien rendus compte que les gros murs de briques, ça ne marche pas. c'est frais. Même le foyer central, c'était quelque chose. Donc, il y a une appropriation, une acculturation à cet hiver-là. Bonjour. Bonjour. Ça fait que, donc ça, historiquement, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ces questions-là, bien mieux que moi. Mais c'est intéressant de voir comment le bâti a suivi. Tu ne fais pas les mêmes toits, si tu as de la neige, si tu as deux pieds de neige sur un toit, tu ne fais pas la même chose, tu ne fais pas le même genre de toit. Ici à Montréal, on a des toits plats, c'est intéressant, les toits plats, mais ils ne mettent pas d'isolation. Ça fait que toute la chaleur monte, puis fait fondre la neige, puis laisse dans le drain, c'est le truc. Sauf quand il n'y a pas de neige, ou quand ça glace des glaces, ton toit plat, il y a de la misère. Je le sais, le mien comme ça. Mais c'est un peu tout ça. Il y a comme. On vit dans l'eau à Montréal. Puis c'est lié au fleuve. On est là, on est localisé. Mais quand je dis de quelle eau vous parlez, là, pour moi, c'est, si c'était juste le fleuve, comme ça, avec les maisons tout autour, là, habitées, là, autour d'eux, à côté d'eux, on est une île Montréal. Il y a les questions peut-être relatives à la perception de l'eau par la matière, du coup, le fleuve, mais aussi toutes les questions lié à l'accessibilité, la question de la propriété, du coup, bien commun ou juste commun, et de la liberté d'usage, la mémoire aussi du fleuve, il y en a pas mal qui étaient sur ces questionnements-là, c'était de se dire de quelle manière le fleuve était habité autrefois par ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qu'il en reste. Donc c'est au sens des usages et des pratiques aussi. Donc c'est pas uniquement relié. Enfin, ça nous intéresse aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué. Le temps est très court. Ouais. Et donc la question c'était plus comment est-ce que l'eau au sens large peut se relier à la question du commun et est-ce que c'est mis en pratique ici quoi. Parce que nous on l'a questionné là-dessus sur d'autres territoires. On pourra en parler, mais là c'est pas tellement. C'est plus vous écoutez vous quoi. Bien, ce qui est intéressant dans le paradigme des communs, puis ça, c'est la grande leçon qu'on a eue. Les conférences, ça vous tente, ça s'appelle ECC Berlin 2013. Economics and the Commons. Il manque un C. ECC, c'est la conférence qu'il y a eu à Berlin. Les principales conférences ont été filmées sur audio. Les conférences, tout ça que je disais que les latinos s'en allaient l'écouter ailleurs, allaient faire autre chose pendant que c'était filmé. Mais ce qui est revenu beaucoup, c'est que le paradigme des communs, c'est un paradigme d'abondance. Ce n'est pas un paradigme de rareté. On sait que le capitalisme, c'est la rareté créée ou appropriée pour en créer. On s'approprie pour en créer. On s'approprie les bonnes sources d'eau pour créer une fausse rareté qui met de la valeur et qui joue là-dessus. Donc, le paradigme des communs, c'est on en a assez. On en a en masse. On en a beaucoup. Ici, on a beaucoup. Donc, de problématiser les communs ici, je trouve que c'est pertinent d'un côté parce qu'on est dans une situation d'abondance que tu ne trouveras pas ailleurs parce qu'on en a de l'eau. Beaucoup. Le seul temps où tu parles que l'eau est rare, c'est quand Hydro-Québec nous dit que les niveaux sont bas. C'est parce qu'ils ont ouvert trop les vannes, ils ont créé trop d'électricité avec les barrages, fait que ça fait baisser les réservoirs. Puis ils nous disent « Ah, il n'y a pas eu assez d'eau, il n'y a pas assez plu, il n'y a pas assez neigé. » On nous dit ça. Tu sais, là, on dit c'est une rareté qui est créée. C'est Hydro-Québec qui a décidé de jouer avec la nature, de baisser plus vite. Mais le paradigme de l'abondance, c'est intéressant. Les communs, c'est de l'abondance. Puis c'est distributif, c'est-à-dire dans un système économique. C'est l'économie, c'est un système d'économie, c'est le partage, la redistribution, c'est pas l'appropriation. Donc c'est pas comment je vends, c'est comment on s'assure que cette redistribution-là soit Mais ici, on n'a pas. On, je dirais que c'est dû à la problématique parce qu'on est dans une abondance incroyable. On est vraiment. Tu vois les gens qui lavent leur devanture de maison, ça leur prend une demi-heure à enlever chaque petit grain de sable avec un bois d'arrosage. Ils ne se posent pas cette question-là si l'eau est rare. Ils ne sont pas dans cette problématique. L'eau, et pourtant, c'est quand même leur taxe hein, qui fait en sorte que c'est de l'eau propre, c'est de l'eau potable qui sert à nettoyer les devantures de maison. Et ça, je parle de gens, j'ai eu des voisins portugais qui faisaient ça toutes les semaines. Puis d'autres viennent de pays, nous, c'est peut-être. Peut-être pas ça, mais pour d'autres, d'être ici, c'est cette abondance-là incroyable qui est redistribuée par l'État ou par le gouvernement, en présent de l'eau et tout ça. Donc, on n'a pas d'eau. Il y a des pays où il y a deux canalisations d'eau, la sale, pour faire la propre, du potable. Ici, c'est la même eau, transformée en usine dans l'est de Montréal. Puis on est dans une abondance d'eau. Puis quand tu regardes la carte du pays, quand tu le nombre de lacs, si tu aimes pêcher, tu peux avoir un lac à toi tout seul. Est-ce qu'en parlant d'abondance, on vous a offert du café? Oui, tout est beau. Ok. Je vais aller m'en chercher un. Par rapport à l'abondance, est-ce que tu parles du principe qu'on est dans une société d'abondance? Ben oui. On jette de la nourriture. Est-ce que Enfin, je pense qu'il y a deux niveaux de ressources. C'est qu'il y a à la fois, effectivement, cette abondance, en tout cas, de ressources externes. En tout cas, on a cette sensation-là. Et en même temps, il y a aussi ce truc paradoxal que tu mentionnais juste avant, qu'il y a un peu le culte de la rareté. Bel exemple de ça, je veux dire, dans cet esprit-là, bel exemple que j'ai, c'est ça se passe un peu à Montréal. Vous savez qu'on prend de l'eau du système public de Montréal, puis on l'embouteille, puis on la vend aux gens. Donc l'eau, l'usine d'épuration que j'ai quand vous tournez le robinet, là, ils la prennent, ils vont la filtrer dans un truc au charbon pour enlever le petit coup de chlore qu'il peut y avoir dedans, puis ils vont la rembouteiller, puis ils vont le mettre sur les tablettes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est de l'eau qui a été nettoyée par l'État, qui a été il y a eu une certaine préparation, une mise en bouteille, puis qui a été vendue. Puis les gens l'achètent. Puis ils l'achètent en quantité. Moi, à côté de chez moi, il y a des gens qui sortent avec des gros bidons là, d'eau, qui disent bien, c'est de l'eau du robinet qui est juste. Mets-toi donc un petit filtre au charbon, tu vas avoir le même eau. Là. Tu ne payeras pas 8 $ là, le prix. Là, mais c'est assez particulier. Il y a comme cette logique-là un peu bizarre de faire qu'effectivement, on pense que l'eau n'est pas bonne, on pense qu'il y a des... Autour de l'eau, il y a beaucoup de choses, mais objectivement, quand tu regardes ça, l'eau est un commun, dans la mesure... L'eau est un commun à Montréal, dans la mesure où on se donne collectivement la capacité d'avoir de l'eau propre, sans problème. Bon, ça arrive que nos installations vieillissantes, nos tuyaux deviennent plus vieux, il y a des avis d'ébouillir... De temps en temps, on doit faire bouillir l'eau, dans certaines, surtout autour de Montréal. C'est rare à Montréal, mais autour de Montréal, il y a parfois des municipalités, des villes où le système de canalisation a des problèmes. C'est qu'on doit faire ébouillanter l'eau, mais c'est pas un drame pour les gens. Sauf si ça dure longtemps. Mais il n'y a pas de problème comme Détroit ou Flint, là. Comme à Flint, où vous avez connu l'épisode à Flint où l'eau était. Ils ont décidé de changer de réservoir d'eau. Ils ont été prendre de l'eau dans un lac qui est extrêmement pollué par les usines. Fait que les tuyaux se corrodaient, il y avait des odeurs incroyables, puis il y a des gens qui ont été malades. Juste par économie. On n'est pas encore rendu là. Ouais, ça, je ne pense pas que ça arrive non plus, parce qu'on est quand même. Mais quand je dis principe d'abondance, c'est. Partons, si tu dis c'est abondant, mais c'est mal distribué, c'est extrêmement révolutionnaire. C'est pas, donc, il ne faut pas que ça soit qu'on s'approprie pour créer une rareté artificielle, que ça me coûte plus cher. C'est ça le principe d'abondance, c'est-à-dire évitons l'extraction, l'extractivisme, évitons que les gens viennent prendre de l'eau et qu'on n'en ait plus. Assurons-nous que les gens ont distribué l'eau. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Puis l'autre élément dans l'économie des communs, c'est régénératif. C'est l'économie régénérative. On dit générative ou régénérative. Là. C'est le fait que tu crées un système économique qui vise à se perpétuer, non pas à la croissance. C'est pour ça que les communs, le mouvement de la décroissance sont alliés. Mais c'est régénératif, c'est-à-dire que la ressource va continuer d'exister. Le pâturage va continuer d'exister pour les futurs. Puis on doit réguler cette occupation-là, ce qui amène à un stress. Mais ce n'est pas du tout le paradigme de la croissance. C'est le paradigme de résilience, régénérer. Et ça, c'est un autre chose. Dans la mesure où, comment on contrôle l'eau, puis l'eau, c'est un processus, hein, c'est un flux, Comment on assure la régénération alors que ça, notre eau vient des États-Unis? Qu'est-ce qu'on contrôle ici? Quelle prise on a sur l'eau du fleuve ici? C'est des petits segments qu'on peut contrôler. Puis à Montréal, ben, Montréal, ça fait des années qu'on parle de plage publique. C'est l'appropriation des berges de Montréal par les usines, par les routes et tout ça. On a tourné le dos au fleuve, un peu comme à Buenos Aires. Hein. La ville, à la manière de tourner le dos au fleuve, a fait un port sur le bord de sa plage. Puis, maintenant, ils l'ont redécouvert, ils ont recréé une espèce de deal comme on a fait ici. On a refait des zones, on a retourné, puis tranquillement, on revient vers les berges en disant ben, ça a de l'intérêt. Mais c'est intéressant de voir comment les villes peuvent, pour les raisons du 19e siècle, 20e siècle, on a tourné le dos au rivage, on a tourné le dos au bateau, et puis on a peut-être un chemin de fer. Ça fait qu'on a complètement investi la route, l'automobile. Puis là, on commence à redécouvrir que, ben non, c'est intéressant d'avoir des bordures, puis c'est un mouvement d'occupation, mais cette idée que l'accès à l'eau, quand on dit accès, il y a l'accès dans l'eau potable, tout ça, là, le besoin physiologique, mais d'avoir un accès à l'eau, ben c'est une autre dimension qui est en train de sauter un petit peu, parce qu'avec, je sais pas, ça doit faire 20 ou 30 ans qu'on parle du plan vert à Montréal, l'idée de bleu et vert, je pense que les deux sont là. Ah oui, hein? Ouais, ben, il y a l'espèce de coulée verte qu'ils voulaient faire, puis le plan bleu autour de Montréal. Bleu, c'est redonner le fleuve aux citoyens. Ça veut dire quoi? C'est pas nécessairement exproprier les propriétaires qui ont acheté. Là. Puis encore là, c'est compliqué aussi, parce que c'est les berges qui appartiennent au gouvernement. À qui appartiennent les berges? À qui appartient l'eau? Quel droit? L'eau appartient à personne. C'est pour ça qu'on est dans un flux. Mais sous l'eau, ça appartient au fédéral. Les berges au fédéral sont dans certaines conditions. Ça peut même être privé. Le lac Saint-Jean, d'où je viens, ça a été acheté par l'Alcan, le Rio Tinto. Et tout le lac Saint-Jean. C'est vrai. Ouais. L'eau qui va avec, ou juste le. Ben non, et en plus, ils ont le barrage. Fond, ouais. Ils ont le barrage qui régule l'eau. Et en 1928, quand ils ont construit le barrage pour créer la première aluminerie, ils ont fait monter l'eau tellement qu'il y a eu des inondations. Puis c'était stratégique. C'est pour racheter les terres des cultivateurs qui avaient été inondées, qui avaient perdu leur récolte. Ça fait qu'ils ont baissé au niveau. On peut utiliser l'eau comme une arme, hein, en faisant des barrages. Mais ça a été fait en 1928, la tragédie du lac Saint-Jean, mais où les cultivateurs ont été rachetés dans certaines zones de la région, là, plus au nord, puis un petit peu à l'embouchure. Mais ils ont installé un barrage, puis ils ont racheté toutes les terres. Ça fait que quand tu es sur le bord du lac Saint-Jean, tu es sur les terrains de l'Alcan. Les terrains de Rio Tinto maintenant, là, Alcan, ça a été racheté. Mais les terrains appartiennent, c'est privé. Bien sûr que le gouvernement était intervenu pour s'assurer que le niveau du lac Saint-Jean reste le même, qu'il n'y a pas des crues et tout. Là. Il faut qu'il soit à un certain niveau comme tel, mais sinon, le terrain a été acheté. Mais ça, c'est des exemples. Il y en a quelques exemples comme ça. Il y a des... Oui. Dans cet exemple, la terre avant appartenait à... propriétaire. Moi, j'avais un terrain qui allait au bord de ma mère. On a encore la terre familiale, puis la terre s'en allait jusque dans le lac Saint-Jean. Ce qui faisait des beaux rectangles, c'est des cantons. Hein. Au Québec, il y a eu le système seigneurial, donc des petites terres qui partaient du fleuve, qui étaient très minces. Puis lorsqu'on a passé sous régime britannique, puis ils ont commencé à relotir le Québec, là, on lotit en cantons. Les cantons, c'est carré, un peu comme dans les grandes terres de l'Ouest, l'Alberta. Hein. Très carré, ça fait que dans les régions, ce qu'on appelle les cantons de l'Est ici, ou au lac Saint-Jean, bien, c'est des cantons. Fait qu'il faisait des trucs très, très, très, très géométriques, puis ça allait dans le lac Saint-Jean, puis la terre allait dans le lac. Pas tellement profondément, mais ça appartenait au cultivateur. Mm. L'eau étant autre chose, mais le fond, puis c'est une particularité. Puis en 1928, quand l'Alcan a fait monter artificiellement, bien, c'était pour acheter le maximum d'eau de terre possible. Ils l'ont baissé, après, ils avaient des belles bandes de terre tout autour. Donc, c'est comme ça, ils s'affranchissaient de tous les... Pour pas beaucoup d'argent, ils se sont affranchis tous les problèmes d'inondation, puis de poursuite. Puis... Et pardon, je continue sur oui. Cette veine-là. Du coup, ces terres privées, elles sont des héritages des premiers colons, en fait, qui se sont transmis les terres. Il y a eu des moments où elles ont appartenu à une province ou à un État. Il y a eu des moments où oui, c'est-à-dire, ici au Québec, il y a eu deux grands régimes. La Nouvelle-France, jusqu'en 1854, il est resté jusqu'en 1864, c'est ce qu'on appelle le régime seigneurial. Il y avait des seigneurs qui possédaient les terres, puis devaient c'était des censiers, devaient les céder à des avaient l'obligation de les donner à des cultivateurs pour l'occupation du territoire. Donc ça, ça a été le régime jusqu'en 1790, puis en 1790, ça a commencé à modifier. Parce que là, est apparu le droit britannique. Quand, lorsque les Britanniques ont pris possession du Canada, ils ont amené le droit tranquillement. En 1790, ils ont commencé à modifier. Puis en 1840, ils ont vraiment modifié le droit de façon à ce que la terre ne soit plus... Tu achètes la terre, elle est à toi. Il n'y a plus un seigneur en haut. Fait que ça, c'est un autre régime d'occupation du sol qu'il y a eu. Puis c'est un régime qui fait en sorte qu'on pouvait acheter des terres. Puis c'était comme l'occupation de l'Ouest américain. Là, on achetait des terrains, on arrivait dessus, puis c'est à nous. Fait que ça, c'est, les deux régimes ont existé jusqu'en 1854, où on a aboli tous les droits seigneuriaux. À peu près. Il y en a quelques-uns qui subsistent encore. Mais l'histoire. Ce que je veux dire, c'est en 1854, la propriété, donc je devenais propriétaire. Sauf que les régions qui ont été développées avant, puis les régions qui ont été développées après. C'est que celles avant, c'est toutes celles qui bordent le Saint-Laurent. Lorsque vous regardez une carte du Saint-Laurent, vous allez voir, c'est les terres, vous voyez les lignes très pleines. Ça, c'est le découpage seigneurial. Ouais, les cartes aériennes sont absolument... Sinon, on est capable de savoir... Ça allait de l'autre côté des États-Unis, même du côté des États-Unis, dans Noyant, dans Rouville, les terres, avant que la frontière soit délimitée, c'était du bois. Hein, c'est que les seigneuries s'en allaient par là. Fait quand vous regardez aux États-Unis, il y a même des terrains qui sont vraiment sous régime seigneurial. Pas beaucoup. Dans la région de Napierville, ça se voit beaucoup. Puis après ça, ben, les cantons, tu vois, c'est complètement une autre géographie. Les terres peuvent être... Les colons ont quand même... Les paysans ont quand même reproduit le système des seigneuries, mais... C'est les cantons qui étaient perpendiculaires au fleuve avant? Non. Ou c'est les seigneuries? Perpendiculaire. Ici, à Montréal... Ils suivaient le fleuve. Ça se voit aussi à Montréal, parce que t'avais une ligne de partage à Montréal. Quand vous regardez une carte de Montréal, le tracé urbain, là, vous allez voir, ça fait comme une drôle... Il y a comme une cassure à peu près à Montréal. Ben, c'était le versant... Saint-Laurent, puis le versant, rivière des Prairies. Mm-hmm. Fait que les terres n'étaient pas orientées de la même façon qu'un peu côté vers. Lorsqu'ils ont commencé, lorsque le développement urbain est arrivé, ils ont commencé à lotir, mais tu avais des gens qui avaient loti les rues comme ça, puis les autres comme ça. C'est qu'ils ont dû faire des endroits qui bifurquent un peu comme ça. Mais dans mon coin, c'est comme ça, sur Jean-Talon, Bélanger, là, c'est la ligne de partage des eaux un petit peu. Là, on descend vers la rivière des Prairies, puis on s'en va vers le Saint-Laurent, mais c'est des phénomènes comme ça, de lotissement, d'occupation. C'est-à-dire. On voulait avoir un bord de l'eau, Bordeaux. Mais aussi, on voulait avoir des voisins proches. Ça permettait. Donc, il y a comme un. Quand on se promène dans certains villages qui n'ont pas été trop urbanisés, on a la maison, puis tu sais à peu près à la même distance la prochaine maison. Mm. Puis c'était parce que les loups étaient très, très longs. Puis ça permettait aussi d'avoir des terres sur le bord de l'eau, avoir accès à l'eau, puis d'avoir des terres de bois, dans bien des cas. Donc, c'était un aménagement pas commode, parce qu'après ça, les gens qui habitaient au bout de la terre, ce qu'on appelle. De l'autre côté, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est je m'éloigne de l'eau. Avec tout ça, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, oui, où j'en étais? Question de relance? Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la propriété de l'eau, la propriété des berges. C'est partagé ici, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé, en fait, la nuance que vous avez fait entre les terres en dessous de l'eau, puis l'eau. Donc, l'eau appartenait, les berges appartiennent puis sous-sol. À tout le monde. Puis pas tout le monde. L'eau appartient à tout le monde, mais comme l'exemple de Alcan qui achète les terres aux abords de l'eau, mais il achète aussi le fond, le lac au complet. Je ne suis pas la meilleure personne pour dire, mais et le sous-sol aussi. Lorsqu'on parle aussi. La question des forages, c'est ça. N'importe qui peut arriver. La question des forages, n'importe qui obtient le droit pour venir forer dans ma cour. Mais c'est parce qu'il y a des sources. Parce que d'eau. Le sous-sol. C'est pas la même. Tu as dit le sol, le sous-sol. Ouais. Ce qu'il y a sous le sol, c'est pas la même chose. Fait que d'un cours d'eau, c'est assez compliqué parce que tous les cours, je me souviens bien, tous les cours d'eau qui ont rapport au fleuve Saint-Laurent, c'est fédéral. Ça appartient au gouvernement du Canada. C'est le gouvernement du Canada qui gère l'eau du fleuve et des principaux affluents, mais on s'entend que c'est vraiment le corridor Grand Lac, Saint-Laurent, jusqu'au golfe. Ça, c'est de juridiction fédérale. Donc, tout le bassin versant est fédéral. Non. Je te dis, là, c'est à vérifier. Vous pouvez facilement trouver l'information. Tout ce qui est en lien, tous les cours d'eau qui sont en lien avec le Saint-Laurent. Oui, mais je ne sais pas jusqu'où. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Saguenay, ce n'est pas le cas. Le Saguenay, parce que c'est un des gros affluents, il y a une des batailles infinies à savoir qui avait le droit, qui appartenait les berges entre le provincial, puis parce qu'il voulait faire un parc marin, il existe maintenant, mais il y a eu des batailles pendant des années sur savoir qui avait la prérogative de bâtir dessus, puis le fond, puis... Les berges ou l'eau? C'est ça que je veux dire. Moi, je allez fouiller ça, parce que moi, je suis pas la meilleure personne, mais c'est un enjeu. C'est un enjeu sur quand on parle du fleuve, c'est fédéral, mais le sous-sol, c'est provincial, c'est-à-dire si je veux forer pour trouver du pétrole sous le fleuve, je demande à la province. Mais je suis sur un cours d'eau qui est de juridiction fédérale, mais je pourrais mettre drainer, aller voir s'il n'y a pas du pétrole sous le Saint-Laurent. Il y a comme, il y a un faisceau de droit complètement fou autour de l'eau et du bassin, et ça, c'est à creuser. Et on n'est pas du tout une perspective de commun, on est parti de prérogatives de défense, d'occupation du territoire. Moi, j'ai manqué un petit peu. Ah, pardon, t'as levé la main. Non, c'était juste pour dire, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse justement, d'aller chercher les communs, mais aussi dans ces questions de territoire. Oui. Puis je manquais un petit bout, fait que je ne sais pas si la question a été posée sur les autochtones et leur rapport à l'eau. Moi, j'allais y venir, oui. Ah oui, ouais. Je t'ai demandé. Non, mais c'est tant mieux. Tant mieux. Ouais. Mais c'est en fait, on se questionnait là-dessus, parce que par rapport au territoire, on connaît un peu, de par mon pratique, mais par rapport à l'eau, c'est un peu comme une grande question. Ça va dépendre des peuples. Hein. Oui, c'est des ça. Nations, ça dépend des nations. Il y a des nations qui, si on parle des Innus, des Cris, ils ont une connaissance, ils ont une carte complètement différente du territoire que de la nôtre, puis ça, on parle de peuples qui vivent au nord. Mm. Les peuples de la vallée du Saint-Laurent, bien, ils étaient un petit peu plus sédentaires. On parle des Iroquois, des Mohawks, les autres étaient un petit peu plus Kanawake, à côté de Montréal, à Kawasasiné, donc un peu plus, donc ils cultivaient plus le sol. Ils étaient moins nomades, ils couraient moins les castors et les animaux, donc ils faisaient, là, mais un petit peu plus. Donc c'est pas, je dirais qu'ils ont un rapport sans doute différent de ceux que je connais plus, comme les Innus. Les montagnais, si on veut. Les Innus, eux autres, ils venaient se ramasser au bord du fleuve, puis ils partaient tout l'hiver à la chasse, puis ils montaient, je ne sais pas, jusqu'à Abbey James, par une série de cours d'eau, de portage, puis il y avait des chemins. Puis chacun avait son territoire, comme chez les Cris. Ils ont mon territoire, chaque famille Cris avait son territoire de chasse, son territoire de pêche, mais c'était, disons, géographique. Lorsqu'on a fait des grands travaux de barrage dans la baie James, il y a eu beaucoup d'anthropologues qui ont été voir la nation Cree pour s'assurer qu'il y avait une cartographie de leur espace puis familial, puis qu'il y a beaucoup de choses là-dessus sur comment on nomme les espaces, les lieux, puis c'est nommé par de toutes sortes de chemins, nommé par un morceau de rocher, puis c'est souvent nommé par le grand-père qui avait été... Il y a eu un accident, là, puis il y a une histoire autour. Il y a vraiment une manière de nommer les choses qui n'est pas juste le lieu, mais qui est comme ce qui s'est passé autour du lieu. C'est assez fabuleux. Mais les autres, c'est des nations qui bougeaient, qui se déplaçaient beaucoup. Les Iroquois, moins. Parce qu'ils étaient plus sédentaires un petit peu. Ça, c'est à voir. Par contre, ce qui est intéressant dans la région de Montréal, puis je ne sais pas si ça a été beaucoup documenté, c'est lorsqu'on a créé la voie maritime. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez Montréal, la chaussette qu'on appelle. Ici, là, c'est des rapides de la Chine. Donc, on peut aller faire du surf. C'est la vague éternelle. Puis c'est un problème pour les bateaux. Ça fait qu'il y avait le canal de la Chine qui a été fait, mais c'était trop petit gabarit. Ça fait que dans les années 60, on a fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de faire la voie maritime, c'est-à-dire une grande voie de contournement qui a passé sous des terres agricoles. De plein de cultivateurs, qui donne un. C'est des lieux bizarres. Ça a été creusé sur la terre. Ah, écoute, c'est pas une partie du fleuve. Ah, c'est vraiment tout ça, puis ça passe dans Kanawake, dans la réserve amérindienne de Kanawake. Les jeunes demandes sont demandés la permission de passer. Vous regardez la carte comme il faut, puis c'est la chance d'aller voir, c'est assez hallucinant comme espace. Les deux côtés, c'est comme. Vous avez cette espèce de remblai. Le bord de Châteauguay? Ah oui. Vous avez c'est ça, le lac. Non, c'est vraiment la voie maritime. La voie maritime. Ben, ça donne. C'est Saint-Zotique. Pas Saint-Zotique. Il serait. Mais ça veut dire la voie maritime, là, cette partie-là. Oui, ça se fait en vélo, c'est génial. Tu peux le faire en vélo, ça se fait très bien. Surtout pour le mois de juin, parce qu'il y a plein de petites mannes qu'on appelle, l'éphémère. Tout ça, là, ça, c'est la voie maritime. Ah, je pensais que en gros, la digue qui sert de vélo, c'était du remblai. Mais en fait, non, ça, c'est du remblai. Ça, c'est vraiment. Ils ont tout creusé ça. D'accord. Pour laisser faire passer les bateaux avec des écluses. Ah bon? Jusqu'ici, puis ça passe dans Kanawake. C'est Kanawake, ça, c'est Kanawake. Pourquoi ils n'ont pas plutôt creusé le fond du fleuve? C'est des rochers, tout ça. Tandis que là, ils voulaient faire vraiment quelque chose de. Donc, moi, c'est. Ça devait être moins cher. C'est ça. C'est offert travailler aussi les la population, c'est les 30 glorieuses, hein, c'est comme les grands chantiers, l'autoroute, on remblayait, on creusait, on démolissait. Les agriculteurs ont du coup été expropriés. Exactement. Donc, vous avez trouvé des documentations sur la voie maritime. Mais c'est dire, on n'a pas touché au fleuve, en fait. On a juste creusé à côté pour faire passer des gros bateaux. Puis, c'est une belle route en vélo, ça se fait bien, mais c'est plat. Il y a des pêcheurs partout, il y a toutes sortes de gens qui font des choses bizarres. Bizarre comment? Thank you. C'est vraiment une description. Quand il fait chaud, il fait beau. C'est chaud à Montréal. Ah, okay, ouais. C'est bon. Il y a des gens qui vont se baigner. Hein? Des gens qui vont se baigner. Il y a beaucoup de, voilà, d'activités sur... C'est quand même 15 km, je pense, 11 km. Non, 15 km de chemin droit comme ça, de voie de service pour les, la sécurité. Et chacun va se faire une idée, je crois, de bizarre. Voilà. Ces choses bizarres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autour de Montréal, il y a eu ces grands... Ces grands projets-là qui ont vraiment transformé le paysage aussi, parce que ça a donné... Ce qui est drôle, c'est que ça n'existait pas. Ils ont vraiment creusé tout ça. Puis de ce côté-là, lorsqu'on se promène sur la 132, la route... Je pense que c'est la 132, c'est la route qui passe tout le long, justement sur les terres. Là. Fait qu'on ne voit pas vraiment, on voit Montréal, tout ça, mais lorsqu'on est sur le remblai là, qui est de l'autre côté, là, c'est assez particulier, parce que tu vois vraiment tout le travail qu'ils ont fait. Ils ont vraiment grugé tout cet espace-là, puis ça donne un drôle, c'est comme une drôle de perspective. Quand tu reviens, c'est plus compliqué de revenir, parce que là, tu es dans le bâti, puis tu peux te promener sur le bord d'eau quand même, puis tu as toujours ce remblai-là, qui tu vois la ville au loin. Là. Et quand tu es sur le remblai, tu es comme en... C'est un non-lieu. Tu es au milieu du fleuve. Tu n'es pas au milieu du fleuve. Tu es sur l'ancienne berge. Même pas. Tu n'es pas vraiment sur l'ancienne berge du fleuve parce qu'ils ont remblayé, mais enfin, c'est particulier. Ah, d'accord. Donc, c'est pas non plus l'ancienne limite. Ils n'ont pas creusé. C'est pas l'ancienne berge du fleuve. Pas nécessairement. Il y a des endroits où ça l'est peut-être, des endroits où ça l'est pas. Il faudrait comparer une carte pré-post. Ça doit se trouver les cartes. Sur la carte des, ouais. des berges, des rives qu'on a dessinées. Mais il y a des cartes autour des années 45, puis regarder une carte moderne, ouais. Puis là tu verrais le décalage. Mmh. C'est comme Montréal, les berges de Montréal, c'est hallucinant. Dans Vieux-Port, vous allez voir où était le bord du fleuve. On a vu, ouais. Le métro. Enfin, c'est le déblai du métro, c'est ça? Non, ça c'est avant. Ça c'est avant. C'est un remblai qui était fait. Mais quand tu es à Pointe-à-Calière, quand tu es au-dessus, il y a une marche, quoi. Mmh. En fait, tu vois, le métro il a été construit en 67, il a été ouvert en 67, donc les travaux ont dû commencer des fins. Pour l'expo universelle. C'est ça. Puis, mais avant 63, ça, quand le port a été développé. Donc, les quais, ça, c'est vraiment tous les capitalistes de Montréal, les anglophones, ouais. Qui voulaient avoir des. Bon, on était un pont. Le grain passait par ici, tout le grain de l'Ouest passait par Montréal. Les silos, c'est un peu ça. Après ça, ils ont commencé... C'est sûr que la dernière grosse construction du fleuve Montréal, c'est l'entrepôt frigorifique qui est maintenant rendu des condos de luxe pour la mafia, qui est de ce côté-là. Mais tout le développement, ça a été progressif. C'est-à-dire, c'est le canal de la Chine, les bateaux arrivaient au canal de la Chine, on transbordait pour aller vers l'Angleterre, fromage, grains, tout ça. Puis tranquillement, le port s'est bâti comme ça, en remblayant, en faisant des quais, parce que les bateaux devenaient de plus en plus grands. Comme ça, on avait les bateaux d'immigrants, les bateaux... passagers. Ça fait qu'on a fait des quais pour les bateaux, comme le quai Victoria, qui est un des plus anciens. Il y a eu comme ce développement comme ça. Donc, on a remblayé. On voulait avoir des endroits. Je ne veux pas que les gens descendent dans la boue. Ça fait qu'on remontait le sol. Puis c'est sûr qu'avec les moyens techniques, on a commencé à faire des quais en acier, puis des belles architectures. Je pense que le nouveau terminal de croisière de Montréal, on gardait quand même ces structures-là. On parle d'un développement de 1880-1920, c'est les années où Montréal s'est doté d'un port, puis c'est un des endroits où les bourgeois de Montréal aimaient beaucoup être au conseil d'administration, parce que c'était le commerce avec l'Angleterre. C'était payant. Ouais, puis c'était des Anglo puis des Écossais de Montréal qui s'installaient là. Quand on regarde la liste des gens du port de Montréal, c'était presque aussi prestigieux que d'être au Conference Board de Montréal. Wow, je savais pas. Ouais, d'être au port de Montréal, c'était le nerf. Puis les trains, c'était au moins... Mais le port, c'était comme le point de contact, parce qu'une fois que les trains sont arrivés à Montréal, il fallait que la marchandise s'en aille de l'autre côté. Donc, c'était vraiment important, ça. Mais les berges de Montréal, ça, c'est comme je dis, c'est la ville, à cette époque-là, puis ça va jusqu'à Drapeau, on parle jusqu'aux années 76, 80, les berges étaient sales, c'était des zones de trouble, puis c'était pas moderne. Point. Fait qu'on fait des routes, on permet au port de s'agrandir comme c'est pas possible. On remblaye, on détruit les milieux naturels. C'était la vision jusqu'aux années 80. Ça a pris l'administration dorée pour qu'on arrête un peu, là, puis, parce que c'est encore des projets. Et ça, c'est pas typique de Montréal. Mais c'était une décision de la ville? Ou ça s'est fait un peu de manière anarchique parce que les gens... Anarchique, fait... sans planification ou sans... C'était une vision de la modernité, l'autoroute. C'est comme tout le travail qui se fait à Montréal pour réparer l'autoroute de Ville-Marie qui passe en plein cœur. Pour l'histoire, la petite histoire, c'est que Drapeau a été avocat dans des causes, des mœurs légères de Montréal. Montréal, c'est une ville ouverte, hein, c'est une ville dans les années après, de 1100, à cause du port, mais aussi à cause des militaires qui transitaient beaucoup. C'est une ville où il y avait beaucoup de prostitution. Puis Drapeau, lui, c'était un jeune avocat, il était procureur de la ville contre ces cas de prostitution-là. Puis le quartier le plus mal famé, le Red Light de Montréal, c'est exactement l'endroit où il a construit l'autoroute de Ville-Marie. Il est arrivé au pouvoir. Il a blasté ce quartier-là, qui est un quartier populaire. Il a vraiment déchiré. Le Red Light, c'est Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Ça, aujourd'hui, c'est ça, mais c'était vraiment tout ce quartier-là. C'est où il y avait des bordels. Puis il y avait des belles photos de Montréal. Mais c'est encore un bordel aujourd'hui, si vous voulez voir, mais un peu plus propre. Oui. Mais donc, c'est vraiment. Ils ont vraiment détruit. Et ça, c'était la vision de l'époque. C'est-à-dire, on c'est pas moderne. Puis Drapeau, lorsqu'on leur lit ses vieux discours, c'est que c'est pas moderne. Montréal doit être sur la map. Puis, il a réussi. Bizarrement, Drapeau a réussi une chose, c'est que. Puis j'ai une amie qui est à New York qui étudie sur le branding des villes dans le monde. Comment Barcelone, comment Montréal, par rapport à leur population, sont devenues des villes si importantes. Mais objectivement, c'est pas des grandes capitales. C'est pas beaucoup de monde, Montréal. Mais c'est parce qu'ils ont réussi le branding. On a eu l'Expo 67 puis les Olympiques. Plus un branding contre Terre Haute, plus les clubs de hockey canadiens. Puis elle dit, il y a comme un ensemble. Les villes se sont réussies, comme Barcelone aussi, Barcelone. Se sont brandées. Brandées par des petites affaires, mais tu sais, Montréal n'a pas des monuments extraordinaires. Il n'y a pas de... C'est juste le branding de la ville. Puis ça, c'est intéressant de voir. Il y en a d'autres comme ça aussi qui ont pris le modèle, qui essaient de... Bilbao, il y en a plein d'autres. Nantes. Nantes, c'est la question du marketing urbain. C'est vraiment au cœur des actualités du développement urbain en France, en tout cas. Oui, mais c'est partout dans le monde aussi. C'est ça qu'elle a étudié aussi. Voilà. Mais donc, juste pour dire que si on regarde les berges de Montréal, ben c'est pas... Puis le retour aux berges, donc, si on veut se redonner... C'est un peu encombré. Puis c'est intéressant parce qu'il y a je dirais que l'épisode le plus récent qui a mis sans doute un challenge, c'est les inondations d'il y a un an. Vivre au bord de l'eau, c'est une maison qui donne au bord de l'eau, ça coûte. Même ça, qu'il y en a chaque année, c'est pour ça que je... Ben, là, non, la grosse... Surtout dans la Beauce, celle qui est ravagée. Non, ici à Montréal. Laval et tout, là. Il y a deux ans, je pense, qu'il y a eu des crues printanières. La rivière des Prairies, elle a débordé. Pourtant, il y a un barrage régulateur sur la rivière des Prairies, là, mais il y a eu des inondations. C'est que vivre au bord de l'eau, on le répète, avec les changements climatiques, ça va devenir de pire en pire. Mais ici à Montréal, on est super régulé. Le courant d'eau, là, on a des barrages régulateurs sur la rivière d'Outaouais, un petit peu sur quelques-uns sur justement la voie maritime en a d'autres. Fait qu'on peut réguler le niveau d'eau quand même assez bien, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Quand c'est l'abondance. Ouais, c'est la répartition de l'abondance, comment on fait ça? Mm-hmm. Fait que tu as une belle propriété qui descend tranquillement comme ça sur le bord de l'eau, c'est génial, sauf au printemps. Et puis, là, cette année, il y a deux ans, ça a été un réveil. Comment ils appellent ça, les urbanistes, la ligne de Saint-Ans? La ligne de l'eau, la ligne de Saint-Ans, j'ai un conseil. La ligne de Saint-Ans, elle est devenue la ligne de 25 ans. Hein. Puis là, la ligne de 5 ans, même. C'est par rapport aux crues centenales, à Paris, c'est devenu la ligne de 2 ans. Ouais, on a eu deux crues centenales en 2 ans. Ouais, c'est ça. Puis tout qui a débordé. Ben oui, j'ai envie de ça. Puis en fait, les calculs, ils ne marchent plus. Les régulateurs, ils ne servent plus. Ils sont au max. Non, puis là, ils sont en train de construire. Je sais qu'à Rivière-des-Prairies, par exemple, ils ont construit des méga bassins de rétention en dessous des routes. Méga, méga, méga, pour justement prévoir les autres inondations. Ça ne sera jamais suffisant. C'est que les villes sont trop trop imperméabilisées. Puis aussi, tous les... on a des chutes d'eau tropicales. La mousson. On a la mousson l'été, là. Ça va être des chutes d'eau. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé? Non. C'est récent, des 10 dernières années. Non. Même pas. Puis pas juste à Montréal. Ma mère, qui a 90 ans, a dit... elle trouve que les étés humides au lac Saint-Jean, c'est nouveau. Ouais. Puis, comme je dis, les systèmes se déplacent différemment. l'Abitibi, ils n'en reviennent pas, l'Abitibi, l'Abitibi qui est une région nordique, on dirait, Moyen-Nord. Eux autres, ils ont des hivers apocalyptiques, puis des étés de pluie incroyables. C'est comme c'est d'autres systèmes qui passent différemment dans... Donc ça, c'est un peu partout, on ne faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que est-ce que ça va durer 30 ans, puis ça va changer pour d'autres raisons? Parce qu'on ne sait pas, mais il reste que présentement, c'est cette situation-là qui fait en sorte que le rapport aux berges, il y a des gens qui... Mais en fait, l'eau va monter de niveau, puis la fonte des neiges va accélérer tout ça aussi. Mais il y a la pluie, puis il y a la fonte des neiges. Ouais. Fait que les deux ensemble, ça fait que Pierre-Rogel, Montréal, ça va être sous-marin, je pense. Ça va être une ville sous-marine. Ça dépend où tu es. En bas de Sherbrooke. En bas de Sherbrooke, c'est... Mmh. Mais il y avait des inondations. Ceci dit, à Montréal, puis je reviens, si je rembobine un peu historiquement, ici, c'était le lac à la Loutre. Là où ils ont construit le chemin de fer. Ils ont construit le chemin de fer sur un ancien marécage. Puis il y a des gens à Montréal qui font du. Qui font des rivières disparues. Ouais. Alors, ils ont trouvé. La fameuse rivière Saint-Pierre, qui est une petite rivière qui est là. Fait que Montréal, quand on regarde la vieille partie historique de Montréal, ben il y avait le fleuve, puis il y avait un bouton comme ça, ça redescendait. Là, c'était très marécageux, puis ça remontait. Donc, ça vous donne le vieux Montréal. Lorsqu'on sort du Vieux-Montréal, on descend un petit peu sur la Chanchant de Mars. Puis c'est tout ce grand bout-là. C'était une rivière, c'était un marécageux et tout ça. C'est là que c'était le quartier malfamé, mais c'était les gens, c'était les faubourgs. Puis après ça, ça commence à remonter vers Sherbrooke. Et donc c'était comme ça la topographie de Montréal. On la voit pas beaucoup aujourd'hui, mais lorsqu'on est en vélo, on la sent un peu plus. On voit, ah, ça monte, hop, ça descend, hop, ça monte. C'est exactement cette topographie-là. Mais de part et d'autre, il y avait l'eau, puis il y avait ce grand marécage, qui fait qu'il y a des photos, tu es capable de trouver des photos d'inondations dans le quartier Saint-Henri, ici, dans le sud-ouest, des inondations. Le fleuve était plus haut, c'était moins régulé, avant la voie maritime, puis ça inondait les quartiers. Ce qui fait que dans les quartiers comme ici, puis dans les quartiers, surtout dans le sud-ouest, les sous-sols sont des vides sanitaires. Personne ne pouvait faire de sous-sol, c'est de la glace, c'est des fondations. Hein? Et voilà, c'est que c'est un peu le. Ça, on parle de. Ouais, pré 1940. Pour revenir sur la question des autochtones, est-ce que vous, avec Louis Mix ou. Mm-hmm. Enfin, Claire Collab ou Communautique, vous vous êtes intéressé à leur rapport à l'eau, et dans ce sens-là, j'entends. Il était sans doute très différent. Peut-être que dans certaines cultures, le mot commun n'existe pas parce qu'il est déjà ancré, il n'a pas été colonisé par des langues indo-européennes, ou la question de propriété n'existe par exemple pas. Donc c'est quelque chose qui est typiquement présent, et il est tellement présent qu'on ne met pas de mots. Je ne suis pas la meilleure personne pour te répondre aussi frontalement. Oui. C'est sûr que la notion de propriété dans les nations, elle est très différente. Mais il y a toujours la notion de propriété, puis la notion de pouvoir qui vient avec aussi, puis c'est assez compliqué. Puis dans leur cas, dans leur situation, c'est extrêmement compliqué, le fait qu'on a créé les réserves, le fait qu'on a nié leurs droits. Puis ça dépend des communautés. Au Québec, c'est assez clair, ce ne sont pas des communautés de traités qu'on appelle, ils n'ont jamais cédé leurs droits. Et on les a pris, on les a mis dans les réserves. Le bon père de famille fédérale a décidé de faire ça comme ça. On leur a concédé des territoires en disant... Gérer-le, de créer ou un conseil de bande, puis on va tout. Les deux sont liés. C'est-à-dire, il y a une dimension de droits fondamentaux, puis je pense que les Amérindiens n'ont jamais, au Québec, aucune nation qui a dit qu'il y avait cédé des droits de l'eau aux Blancs. Ça n'a jamais été signé comme papier. Les Blancs l'ont pris, mais pas en fond. Tu sais, il y a ce côté-là. Même le territoire, je pense, comme à Ottawa, ils n'ont jamais cédé les terres. Même Montréal. Même Montréal, ça leur appartient encore. Il y a toute cette notion, on est dans un flou. Il y a une déclaration de la ville de Montréal qui dit que, dans le fond, on reconnaît qu'on est sur un territoire autochtone, que la nation morte. Il y a comme une formulation qui est souvent. Mais au-delà même des berges, c'est-à-dire les territoires qui sont baptisés aujourd'hui, sont en quelque sorte dans une forme d'illégalité. Si on se met dans une logique non colonialiste, c'est-à-dire dans la logique de dire, dans le fond, comment ça s'est passé, les Blancs se sont installés, puis that's it. J'ai demandé la permission à personne. Au début, peut-être un peu en Salamalek. Mais après ça, on a le fusil. On est plus fort qu'eux autres, donc on prend la place. Ce qui est très différent ici, c'est différent parce qu'il y a eu des traités de paix, la grande paix, puis tout ça. Il y a eu des traités, mais le fait qu'on occupe le territoire autochtone, ça n'a jamais été transigé d'une façon dans un droit positif. Il y a un droit moral dans lequel on est présentement, puis on est en train de jouer dans ce droit moral en disant. on tient présentement une réunion sur le territoire autochtone. On en est conscient. Ça, c'est le droit. On vient de régler la question morale. Mais le droit de propriété n'a jamais été, ça n'a jamais été cédé. Historiquement, comme bien d'autres endroits, comme en Afrique. Il y a un mur de transaction écrit. Ce qui fait la différence d'un peuple du Québec, de Nouveau-Brunswick, je pense qu'il y a des nuances, là, mais Ontario. Mais dans l'Ouest canadien, les Amérindiens ont signé des traités. Ils ont cédé par traité. Donc, tu as les peuples avec traité, puis tu as les peuples sans traité. Nous, on est sans traité à Montréal, les Amérindiens. Ce qui fait que la représentation politique qu'ils font pour la reconnaissance, ils savent qu'ils n'ont jamais. C'est quoi la compensation financière? Mais est-ce qu'il y a une possibilité, c'est peut-être complètement illusoire ou utopique, qu'ils puissent, d'un point de vue juridique, récupérer ces terres-là? Quel système de droit ils vont prendre? Non, c'est une question. Le leur ou le nôtre? Ah ouais, ouais. C'est très complexe. Ouais, ouais. Non, Il y a des livres. Il y a comme la question théorique qui est intéressante, mais il y a une question politique, c'est-à-dire qu'il se sert quand même de. Il y a une certaine forme de légitimité dans cette organisation pour obtenir des choses. C'est peut-être pour eux autres largement suffisant, mais de réclamer et d'être très sensible il y a des débats à certaines occasions, mais proche de là où je viens, à Robertval, il y a une réserve qui s'appelle Mastoyache. Et une petite réserve. Puis ils ont décidé ils voulaient acheter des terrains à côté, à la ville à côté qui s'appelle Saint-Prime. Gros débat. Pas chez eux. Ils manquent de place. Ils veulent agrandir leur parc industriel. Tu sais? Puis il y a un gros débat chez les Blancs. On ne devrait pas leur permettre ça. Apparemment, on a des petits points de racisme autour de ça. C'est comme si, finalement, eux autres, ils étaient en train de racheter les terres qui leur appartenaient de toute façon. C'est comme fou. Mais est-ce qu'eux considéraient que ça leur appartenait? Parce que ils les rachetaient financièrement. Ils étaient prêts à les racheter. Non, je sais, mais c'est ce dont on discutait hier, c'est que la notion de propriété... C'est pas la même. Voilà, du coup, ils sont quand même fait rattraper. Mais c'est là le contrepoids de ça, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations de pouvoir chez les communautés autochtones, puis qu'ils ne sont pas les territoires de chasse. C'est pas de la propriété, mon territoire de chasse. Mais si tu viens sur mon territoire de chasse, moi, te le faire savoir. Donc, puis lorsqu'on arrive dans une perspective des communs, c'est dire, OK, puis si on revenait à la définition d'Orstrom, là, au départ, en disant c'est un groupe de personnes qui est capable de protéger le commun, puis de se donner des règles de vie à l'intérieur du commun. Des règles qui sont capables de le protéger, de le défendre, de le réclamer. Donc, il y a une relation avec l'État, une relation avec les gens qui ne sont pas ceci notre commun. Et je peux le défendre ses frontières, je peux le protéger. Et de l'intérieur, ma vie intérieure est soumise à des règles de fonctionnement. C'est une charte, une manière de travailler. Puis je suis capable de punir les gens qui abusent. OK? Puis j'ai une relation nécessaire avec le reste du monde. Là, parce que ça, c'est les 8 principes de Hobstrom, si tu le ramènes comme ça. Fait que chez les communautés amérindiennes, ben, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils disent ça dépend. Encore là, il y a. T'as les nations du Sud, puis t'as les nations comme les Montagnais. Les Montagnais, les Cris ont réussi à négocier ça. Donc, le territoire Cris est reconnu. Ils peuvent faire plein de choses. Ils font plein de choses sur leur territoire parce que c'est pas occupé par les Blancs. Très peu. Ils ont cette capacité. Les Montagnais, ou les Mohawks, eux autres, ils sont entourés de Blancs. Ils sont cernés. Là. Quand tu regardes le Kanawake, tout autour, c'est inconstant. C'est toutes des villes tout autour qui sont blanches. Fait que eux autres, ils ont leur capacité d'expansion est limitée, sauf qu'ils ont des pratiques différentes, ils ont une culture différente aussi. C'est une nation. Une nation dans le nord du Québec, c'est tout le bassin versant. Je prépare d'une carte qui illustre la distribution de toutes les nations au Québec, Naskapi, les Atikamekw, les Inuits. Qui sont régis par des chartes différentes, là, le territoire soumis par la CBJNQ. C'est quoi ça? CBJ. Sud du 50e parallèle, la baie James. Mm-hmm. Puis il y a Nunavik. Oui. Une question à poser. C'est quoi ce site? Sur les communs concernant Montréal, du coup, la question aujourd'hui avec les autochtones qui vivent là, elle est posée dans la création d'un commun, on est bien sur le même lieu. Donc, il y a des questions de droit. Non, il n'y en a pas. Je peux vous l'envoyer, j'ai pas d'internet. Zéro. J'essaie juste en termes de la question. C'est surprenant, en fait. On est venus à s'intéresser. Peux-tu reposer ta question? Non, j'ai pas entendu, c'est sûr. Je me demandais comment la question des communs se pose à Montréal par rapport aux autochtones et aux différentes communautés qui vivent sur un même territoire. Là, j'ai l'impression quand vous en parliez, il y avait un système de droits et même d'intérêts qui était. On est dans le droit symbolique plus que dans. C'est-à-dire que les systèmes de droits sont différents. Tu as le système de droits coutumiers, dans lesquels on pourrait. Chez les Amérindiens ou les Autochtones, plus les Autochtones, ils ont perdu leur système de droits coutumiers. J'ai des amis qui ont travaillé avec les Autochtones pour, entre autres, au niveau de la pénalité, du jugement, de participer. On veut déjudicialiser parce qu'ils ont d'autres. Ils avaient d'autres pratiques de. Régler le problème à l'interne, puis ils ont perdu ça, parce que c'est le système de droit des Blancs qui est arrivé. Alors, ils sont en train d'essayer de reconstruire ça, mais ils ont... Donc, pour eux autres, c'est avec quel système de droit on peut faire valoir nos droits, et sur quoi on se base? Est-ce qu'on se base sur la justice blanche? Pas justice, mais le système légal blanc, où on impose... Ils ne pourront pas jamais imposer le leur. Ils vont être capables d'imposer le leur sur ce qu'ils ont comme souveraineté, ce qu'on leur a accordé comme espace. Donc, quand on dit que Montréal est sur le territoire autochtone, c'est une reconnaissance symbolique et politique, parce que c'est très récent, on parle de. C'est arrivé, c'est Denis Coderre, qui a reconnu que le territoire de Montréal est un territoire autochtone, puis qu'il a dit qu'on allait, à chaque rencontre, qu'on allait représenter ça. C'est une victoire politique. Est-ce que c'est un incident sur la création des communs à Montréal? En fait, la question, c'est un peu si vous travaillez sur un commun, comment c'est possible de se penser différent? Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail commun sur les communs, ouais. Entre la communauté autochtone et... Mais parce que là, ça amène une autre discussion, c'est laquelle communauté? Est-ce que les Mohawks, ça c'est un débat entre chercheurs, puis c'est pas résolu, à qui appartient le territoire de Montréal, historiquement, c'est pas clair. C'était des nations qui passaient, qui arrêtaient, qui repartaient. Alors, si on est dans un système de droit très, très blanc, on va dire qu'il y a quelqu'un qui avait le droit. Tu sais. Mais chez les communautés, c'était pas le droit. On s'installait là, puis on se tapait dessus lorsque je voulais prendre la place de l'autre. Tu sais, à qui appartenait le territoire de Montréal? C'est insoluble. Avant que les Blancs arrivent, c'était insoluble, à peu près présentement. Il y a des prétentions. Mais. Mais pour eux, les Autochtones n'avaient pas de. Pardon. Mais Ouais. Pour moi, l'approche de la question des communs, on l'a un peu évoqué ensemble, etc. Mais ce qui est intéressant dans le bien commun, c'est aussi que ça propose une autre lecture, de justement une autre façon de légiférer l'usage public de l'usage privé. En gros, la propriété privée, donc ça t'appartient, privé, plein de droits, etc. C'est pour la société, mais du coup, la société sédentaire, une société particulière, etc. Petit coup là encore dans. En disant, il y a justement ces autochtones, ils ont un peu, on leur a en fait pas concédé, mais en gros, on les a mis dans une réserve et là, ils sont souverains. Mais du coup, il y a une espèce de reconnaissance symbolique de ce passé-là sur Montréal, par exemple. Mais je crois que ce qu'essaye de soulever Claire, c'est que penser les communs, c'est peut-être justement pas une attitude d'essayer de trancher quelle est la propriété, est-ce que ça appartient aux autochtones de Montréal ou est-ce que ça appartient aux blancs. Justement de se sortir un peu de ces modèles de pensée et de repenser ça avec eux. C'est là où je te dirais que la clé, c'est pas une confusion, je vais clarifier ça dans ma tête, si je reviens à la définition des communs que j'ai donnée tantôt, c'est une collectivité, un groupe qui choisit, qui décide de prendre soin, de créer et de prendre soin d'une ressource. Et c'est la question de ce collectif-là. OK? Et après ça, on se donne des moyens de prendre soin de ça. Donc, quand je dis là, on rentre dans les moyens que je te disais, d'être capable de défendre, d'être capable de se donner des règles et tout ça, puis que ces règles soient reconnues par les autorités, les plus puissants qu'eux. Ça, c'est la chose. Que les Autochtones décident d'investir les îles du Saint-Laurent, puis d'en dire, ça devient autochtone, on rentre dans des luttes politiques, là. On n'est plus dans la théorie du droit, parce qu'on pourrait rester longtemps dans le droit, mais les communs se constituent souvent par des luttes politiques. On ne peut pas évacuer ça. C'est de bousculer les forces du capitalisme sur l'appropriation, l'extraction de valeurs, ça va des données, ça va plein de choses. C'est des luttes politiques qui se mènent sur du terrain, mais il y a cette volonté collective. Alors, est-ce que les Amérindiens veulent participer à tous les projets de communs qui pourraient avoir lieu à Montréal? Autre chose. Mais si je crée un projet commun à Montréal, moi, je peux reconnaître puis reconnaître, puis on est sur un territoire autochtone. Puis les inviter. Je peux faire ces démarches-là. Mais je reviens à la base, c'est un groupe de personnes, le commun, là, c'est pas une ressource. C'est un groupe de personnes qui décident de prendre soin de quelque chose. C'est une collectif, une collectivité, une communauté. Il ne faut pas perdre de vue. Le commun, c'est pas une construction. C'est pas l'eau. L'eau peut devenir un commun s'il y a des gens qui conçoivent qu'il y a, veulent prendre soin de cette ressource-là. Moi, un des exemples, je suis pour dire aux gens que arrêtez de penser les communs comme juste des choses des concrètes. Il y a le commun du paysage. Et ça, il y a des beaux exemples. Le paysage est un commun. Si tu construis un petit building tout laid devant moi, puis je partage le paysage avec beaucoup de monde, puis on peut vouloir prendre soin du paysage. C'est pour ça qu'on se donne des règles d'urbanisme. Tu ne construis pas plus que 2 étages. C'est ton choix de briques, ton choix de matériaux. Ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde, puis on peut vouloir en prendre soin. Est-ce que c'est à l'État de prendre soin de ça? Ou est-ce que c'est encore c'est à des groupes qui, par défaut de l'État, vont décider de prendre soin? Puis pour moi, ça reste ça, c'est le collectif. Alors, il y a des aspects concrets, mais des aspects symboliques, puis des aspects de droit, puis des aspects politiques. Puis l'aspect politique, pour moi, est assez important, parce que la création des communs, c'est pas facile. Pour plusieurs raisons, je dirais que pour moi, la raison principale, c'est parce que nous, comme humains, on n'a pas beaucoup de modèles du faire ensemble. On n'a pas beaucoup du modèle de l'en commun. Comment on se met ensemble pour faire des choses? C'est dur. Les collectifs, la vie de collectif. Mais en même temps, ça donne d'autres possibilités. Puis c'est un peu l'idée des communs, c'est-à-dire le faire ensemble. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir du leadership individuel, personnel, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est du faire ensemble. Alors, dans la constitution de ces espaces-là, autour d'un objet partagé, dont on veut prendre soin, c'est cette politique-là qu'il y a autour, qui est à la fois interne, puis une politique externe. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement la naissance de ça, du comment on convient ensemble. Comment on se donne qu'on convient de s'engager là-dedans, dans cette protection, dans ce projet. Et pour moi, ça, c'est une invitation à aller avec les gens qui veulent participer. Et dans cette négociation-là, qui peut être soit très concrète sur des terrains précis, soit très symbolique, avec des gens qui possèdent des symboles. Bien, c'est ça, justement, au niveau des communs, puis la perception des nations, du territoire. C'est pas un lieu qui appartient à quiconque. Les forêts appartiennent aux animaux, au domaine public. Dépendamment des nations, je pense qu'il y a des petites nuances, là. Mm-hmm. Mais j'avais été à une conférence, à un moment donné, c'était une architecte paysagiste qui développait des plans directeurs avec les Premières mm-hmm. Nations. Pour aider justement à cadrer le développement. Puis ce qu'il disait, c'était que c'était extrêmement dur d'intégrer dans la participation des Premières Nations au plan directeur, parce qu'à la base, eux voient le territoire comme quelque chose qui ne doit pas être touché, qui est intouchable, qui appartient à personne, qu'on ne peut pas gérer ou qu'on peut pas. Ça doit retourner à la nature. C'est nature, le territoire. C'est pas. Mm. Une propriété. C'est comme mm-hmm. l'eau, ça nous glisse entre les doigts. Puis elle racontait que même aujourd'hui, ils sont encore en train d'essayer de nous faire comprendre aux architectes paysagistes, aux urbanistes, qu'il faut voir la chose autrement. C'est-à-dire qu'on peut voir où sont les ressources, puis implanter des sites temporaires pour utiliser les ressources naturelles, mais qu'il faut pas installer des plans directeurs à terme, parce qu'il faut à un moment donné retourner à la nature, ce qui revient à la nature. Fait que la perception des autochtones sur le territoire, je pense qu'elle est très inspirante pour la façon qu'on pourrait en tout cas regarder. Ben, c'est pour ça que j'ai un petit peu aussi le retour de l'inondation à Montréal est intéressant. C'est comme la revanche, je viens de dire la revanche de la nature. Puis être obligé de faire des bassins de rétention alors que la nature. L'image que j'ai souvent, c'est que la nature fait des choses très simplement. Puis nous, ça nous coûte des millions de dollars pour faire un biodôme qui reproduit les écosystèmes de nature. À Montréal, il y a le biodôme, là, on dépense des centaines de milliers de dollars. Puis on met de la machinerie, de la climatisation, des réfrigérateurs, puis on n'arrête pas là, pour reproduire des écosystèmes. Tandis que la nature, c'est... Le biodôme, c'est un... C'est une espèce de... C'est pas un zoo. C'est la reproduction de bientôt cinq écosystèmes du Québec. Et un grand bassin avec le Saint-Laurent. C'est comme un musée des sciences. Non, ça c'est la biosphère, mais c'est du côté... Ah. Le stade olympique, juste derrière, c'est l'ancien vélodrome qui a été transformé. Hein. Je ne sais pas comment aller sur Slack encore. Je veux bien relancer dans la continuité de ce qu'ont évoqué Claire et Fabien. La réponse, je l'ai trouvée assez intéressante de dire qu'on part justement de cette définition de communauté ou de groupe. J'en viendrai au fait de dire, est-ce que c'est possible... On parlait de collectif, mais là je me suis dit, autour de la table, il y a plusieurs collectifs qui confrontent du coup leurs règles de groupe. Et est-ce que c'est possible, enfin, le commun peut aussi être la confrontation de deux règles qui peuvent a priori sembler incompatibles et d'en faire un groupement, être confronté, de les mettre en friction. Je trouve en même temps hyper intéressant de dire, c'est une communauté, mais la communauté peut s'agrandir. Et ces cadres juridiques peuvent aussi évoluer. Donc sans non plus dire qu'on fait un commun naïf et global pour tout, j'ai bien compris qu'il y avait une spécificité. Ça, c'est dans vos travaux, c'est quelque chose que vous avez abordé ou... Pour nous, c'est présentement, la ligne est là. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde des luttes comme Notre-Dame-des-Landes, lorsqu'on regarde les ZAD en général, lorsque tu regardes... C'est-à-dire, tu as le commun puis tu as l'apparence du commun. À Montréal, on donne souvent l'exemple du Milton, Carré Milton, qui est comme un îlot de résidence dans Montréal. Comment ça s'appelle? Les habitations Jeanne-Mance, voilà, je l'ai. Habitat coopératif? Non. Ça appartient à la ville de Montréal. Les habitations Jeanne-Mance, ça appartient à la ville de Montréal. Qu'il y a la coopérative Jeanne-Mance aussi. La coopérative Jeanne-Mance, c'est autre chose. Les habitations Jeanne-Mance, c'est vraiment dans le cœur de Montréal, vraiment là, Saint-Laurent, Saint-Denis. Là, c'est des habitations des personnes immigrantes, habitations à loyer modique, subventionnées et tout. Puis j'ai entendu Jonathan Durand-Folco dire c'est un commun. C'est-à-dire, la ville de Montréal a acheté ça, prend soin de ça, des immeubles, puis l'a confié à une association. Et tu fais comme... Ouais, mais pour moi, c'est pas ça un commun. C'est pas un commun, c'est une association qui gère ça. Ouais, il y a du participatif, il y a de la démocratie et tout ça. Est-ce que c'est un commun? Est-ce que vraiment, c'est la structure? C'est-à-dire, c'est là qu'on rentre dans le faisceau de droit qu'on appelle. Puis le faisceau de droit, c'est un truc assez... C'est-à-dire, c'est les prétentions qu'on a sur l'objet dont on prend soin, la force qu'on a comme collectif se positionner par rapport aux autres, par rapport à cette ressource-là, en disant c'est la nôtre collectivement, c'est pas la nôtre individuellement, c'est la nôtre, mais c'est pas la nôtre en appropriation. C'est ce dont on veut s'occuper, c'est à nous, on veut en prendre soin. Et c'est cette négociation-là. Les beaux exemples qu'on a, c'est un commun lorsque le collectif est capable de manifester via les autorités publiques. De dégager cette zone de contrôle. Je dirais que les amis du champ des possibles, c'est à peu près le plus proche que je peux trouver à Montréal d'un commun en gestation. L'autre endroit, c'est Bâtiment 7. Okay, deux exemples que je vois de... Les jardins collectifs? Les jardins collectifs, ça dépend desquels. OK. C'est institutionnalisé aussi. C'est des associations, mais... Ouais. Les amis des champs des possibles, ils voulaient prendre soin d'une espèce de terrain vague, pas loin du campus Ubisoft. Et puis, ils ont négocié avec la ville en disant, on va s'en occuper. Ils ont une convention avec la ville pour s'en occuper, elle a renouvelé tout ça. Mais une fois qu'ils ont tassé la ville en disant, on va s'en occuper, ça devient leur espace à eux, puis ils veulent en prendre soin. Donc, ils prennent soin d'une ressource, c'est un terrain vague avec une biodiversité assez intéressante. Puis là, ils sont collectivement en train de gérer cet espace-là, qui ne pourra jamais être vraiment beaucoup construit en raison des droits de vue à cause du couvent à côté. Mais... Donc, ils en prennent soin, puis ils font en sorte qu'il y a des animations, puis qu'ils font du nettoyage, j'enlève la bapou. Donc, c'est un collectif qui décide de prendre soin d'une ressource, qui est un terrain vague. Et puis ils ont réussi à négocier ces lignes-là, puis ils ont une charte, puis ils fonctionnent comme ils veulent. Le collectif peut choisir ses manières de fonctionnement. Hein? Il peut avoir un grand boss ou pas, le commun peut fonctionner. C'est loué à la ville. Pas loué. La ville leur a loué, leur a légué. Cédé. Les droits de occupez-vous-en si vous en occupez. c'est assez exceptionnel. C'est un terrain convoité. C'est en plein Maryland, c'est un quartier... Il n'y a pas une loi, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y a pas une loi qui disait que quand ça fait 10 ans, je sais qu'à Vancouver, c'était ça. Non, je ne vois pas ici, je pense pas. Quand ça fait 10 ans que tu occupes un territoire, que tu en prends soin, il t'appartient, il te le cède ou il te cède la gestion. Il y a des squats à Montréal, c'est pas le cas. Non, c'est ça, il y a des squats de... Puis bâtiment 7, c'est un autre exemple de la ville... La ville se voit céder les terrains d'un centre de triage, du grand tronc, en fait. C'est vraiment... la ville le cède à un promoteur immobilier privé pour 1$ à cause de la décontamination immense qu'il y avait sur le terrain. Ça fait qu'ils ont donné ça, un terrain immense qu'il y avait vu sur Montréal pour 1$. Avec la mobilisation populaire du sud-ouest, qui c'est vraiment les plus militants de Montréal, là. Ils ont réussi à se battre pour conserver un immeuble, le bâtiment 7, puis d'en faire un centre communautaire avec... Puis c'est un projet complètement fou dément. Ils sont dans, pour avoir discuté avec la gang, là, ils sont dans une démarche de commun, mais ils ont de la misère à le nommer, puis ils sont dans tous les défis que ça représente. La principale, comme dirait Alain, les communs, c'est pas quelque chose de simple, c'est des tensions entre l'individu et le collectif, entre le nous et l'État, avec... C'est plein de tensions, puis ils sont dans ces tensions-là parce que c'est un montage financier avec des capitalistes, puis des gens qui demandent du rendement interne, puis tout ça. Puis de l'autre côté, ils veulent en faire un projet où tout, qui appartient à la communauté. Mais comment tu fais un projet qui appartient à la communauté? C'est à inventer. Nous, ce qui nous intéresse, Remix, c'est ça. C'est l'invention qu'il peut y avoir dans les communs pour retisser des rapports de vie entre les personnes. Puis c'est là la beauté. C'est pour ça qu'on documente des expériences, puis on essaie de voir où est-ce qu'on peut jouer un rôle pour voir comment les gens se structurent en commun, comment ils se développent en commun. Puis c'est quoi cette imagination qu'on peut avoir avec ce mode de gouvernance qui est complètement différent, qui n'est pas du tout dans les mêmes modèles, qui manque d'exemples. Mais justement, j'essaie de reprendre tout ce qui s'est dit depuis le début, là. Il y a déjà une espèce d'attitude par rapport au commun, là, une espèce de remise en question un peu philosophique de comment prendre les choses dans le monde, dans le monde que nous vivons. Donc il y avait un peu ce que tu racontais du commun par rapport à l'abondance, etc. C'est un peu un petit peu à Georges Bataille, ce qu'il a écrit sur la dépense. Georges Bataille, c'est un... Je connais Georges Bataille, mais... En plus, un personnage assez intéressant parce qu'il a écrit un peu dans son coin, en dehors des cadres universitaires en France. Mm-hmm. Du coup, c'est une pensée qui est très très à part dans tout le milieu un peu philosophique du 20e. Et où justement, le fait de s'être isolé comme ça, il a développé tout un propos sur la dépense, peut-être juste pour résumer très rapidement. Il prend à un moment l'exemple de la plante. En fait, il fait un peu l'apologie de la dépense, en disant que la dépense, en fait, c'est pas un mal. On a un peu tendance dans notre culture à le voir comme un stress, quelque chose qui va ça nous file entre les doigts. Il y a la dépense, il y a la dépense d'argent, etc. Tout ce qui va avec ça. Et lui fait un peu l'apologie de la dépense dans le sens, il prend l'exemple par exemple d'une plante en disant qu'on est de toute façon irradié par l'énergie du soleil, etc. Et qu'en fait on est toujours en surplus d'énergie. Globalement, on reçoit beaucoup trop d'énergie et en fait la meilleure chose à faire c'est de la dépenser. Et qu'en fait cette plante elle va accumuler de l'énergie pour pousser, croître. Et en fait rien que la croissance c'est un processus de dépense d'énergie. Et la croissance, la plus belle dépense d'énergie qu'il y a, c'est la mort. Dépenser toutes ces énergies pour mourir et qui amène cette régénération. Il y a pas mal de liens avec cette... En fait, si je fais un peu ce parallèle-là, c'est que, par exemple, Georges Bataille, dans ce contexte-là, justement, impose un autre point de vue que celui qui s'est construit tout au fur et à mesure du XXe siècle, avec cette espèce de perte d'enthousiasme, etc., un peu aussi la technophobie qui va avec ça, etc. Je ne suis pas technophile dans le mais je ne suis pas non plus technophobe. C'est juste que ça apporte vraiment un autre regard décalé. Et c'est là, moi, où je trouve les communs intéressants, c'est que ça essaye de sortir du modèle culturel dans lequel on pense, enfin, dans lequel on a grandi, etc., et qu'on emmène avec nous un peu facilement, et que ça oblige un peu à faire un pas de côté. Et du coup, le rapport à l'abondance, de repenser l'abondance, le système néolibéral et capitaliste parle aussi, a parlé d'abondance, où on parle, et parle aussi de... mais d'une autre manière. il aborde aussi la question de l'épargne, l'épargne de la ressource, l'épargne. Tous ces mots-là sont dans nos modes de conscience, sont vraiment présents d'une manière générale, mais pas interprétés de la même façon. Dans l'approche de comment, moi là où j'y vois un intérêt, c'est justement de réinterpréter, enfin de un peu se détacher de tous ces modes de faire, de gouvernance, etc., et d'en inventer de nouveaux, mais qui sont du coup dans un rapport aussi, qui doivent continuellement se renouveler. Et c'est là où il y avait un peu une question sur par exemple les autochtones, qui pour moi est un peu à poursuivre, c'est qu'il y a en fait ces gens qui se saisissent de la question des communs, on n'a qu'à faire un tour de table aussi, un peu tous des gens qui aiment réfléchir, qui sont une famille, et on était hier par exemple au bâtiment 7, il y avait une super question que je vais poser là pendant la visite, qui était un peu de questionner justement la façon dont eux ils approchaient justement ces questions d'inclusion, parce que c'était très fort dans le discours de dire voilà, on veut inviter des gens à venir, des gens du quartier, pour participer, mais en fait le fait est que dans le bâtiment, il y a des jeunes créatifs. Et du coup, je crois qu'il y a un vrai enjeu à questionner ça, et les modes de gouvernance, il y a parfois, par exemple, tu disais un peu la comparaison entre cette association qui a été déléguée par la ville pour gérer un jeu. Ils l'ont demandé, c'est-à-dire. C'est-à-dire, ça n'a pas été la ville qui a été cherchée, c'est eux qui ont manifesté, puis ils ont été la chercher. Puis on a négocié quelque chose d'assez unique avec une administration qui n'était pas nécessairement la plus positive à l'égard de ce genre d'initiative-là. Oui, clairement. Du coup, je pense que c'est important. Et en même temps, il y a plein de choses de non-dits, de personnes qui ne s'expriment pas forcément, et de frontières qui sont peut-être plus impalpables, où des gens ne se permettent pas forcément d'aller dans une friche. Et la question du commun qui vient là, c'est peut-être justement de pas juste d'être dans un rapport d'invitation, d'essayer d'aller chercher, etc., mais dans une compréhension et comprendre aussi que notre rapport est aussi un espèce de rapport de force. Où on est de toute façon propriétaire, enfin la culture néolibérale est propriétaire de l'île de Montréal, par exemple. Et du coup, la rétrocession symbolique des terres de Montréal aux autochtones, c'est un peu un bon acte pour donner bonne conscience, quelque part. Mais c'est aussi réciproque. Je pense pas que ça a pas été fait en... Ça a été fait parce que les Autochtones ont fait des représentations pour obtenir cette reconnaissance. Puis ça fait partie de la grande, si on veut, de réconciliation qui est vécue à bien partout, un peu partout dans le monde. À l'échelle fédérale. Ouais. Mais même réconciliation de Montréal avec le fait qu'effectivement, il y a comme ça. Comment on sait qu'on ne peut pas résoudre ça par un système de droit, mais pourquoi on n'entre pas en dialogue et on essaie de poser des gestes de part et d'autre pour se reconnaître mutuellement qu'on a eu tort ou bien que tu sais, qu'on reconnaît qu'on échoue. Je reste qu'on est dans l'univers du symbole qui est assez puissant, puis qui a été négocié, puis qui a été demandé, puis qui de haute. Pour moi, ça, c'est un je reviens sur l'idée du rapport de force. Puis on dit souvent, la manière dont je l'entends, c'est que les communs, c'est. Puis quand on fait du commoning, quand on fait de l'en commun, c'est se donner collectivement un pouvoir, d'apprendre à négocier un pouvoir assez puissant. Il y a comme une question de pouvoir, le pouvoir d'action. Quand tu disais que c'est pas tout le monde qui participe, on va faire beaucoup d'activités de participation citoyenne, à un moment donné, il faut arrêter de stresser là-dessus. Parce qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a une partie d'éducation populaire. C'est que ça s'apprend, comme ça s'apprend de faire du commoning, ça s'apprend. Ça s'apprend par des expériences. Puis d'aller parler publiquement pour que ma rue soit plus comme ceci, comme cela, ou qu'une construction, ça s'apprend, ça. Puis on ne donne pas la chance aux citoyens d'apprendre qu'ils ont ce pouvoir-là, de dire, de pouvoir parler de leur expérience, de dire qu'elle vaut quelque chose. Puis c'est mon point de vue. Puis de savoir qu'il y aura toujours une négociation collective de ce qui se passe sur le territoire. Puis que si tu la confies, tu la laisses aller par tes représentants politiques ou par des gens qui ont des intérêts financiers X, bien... Il y a une question de pouvoir. Ça s'apprend. Puis dans le commun, c'est encore plus actif. C'est si tu veux prendre soin d'une ressource, tu es obligé de t'investir d'une façon ou d'une autre. À géométrie variable, c'est pas pour la vie, mais tu dois t'investir. Et c'est pour moi, quand tu prends ce pouvoir-là, c'est pas que tu l'enlèves aux autres, c'est que tu te rends compte que tu as à le travailler. C'est comme quelque chose qui est un pouvoir possible. Il est plus fort parce que tu n'es pas tout seul. C'était avec les autres. Fait que tu es dans cette négociation-là avec les autres, de partager quelque chose ensemble. Collectivement, on est fort, mais en même temps, on doit prendre des décisions ensemble. On doit, c'est la vie des collectifs, si tu veux. Mais pour moi, il y a cette idée de que le commun, ça donne un pouvoir. Cette capacité-là de donner un pouvoir à un collectif sur quelque chose. Ça amène des luttes ou ça amène des situations où, effectivement, on peut exprimer ce pouvoir-là pour obtenir cet espace-là. Oui? La ville est en train de... Puis la ville de Montréal, puis aussi le fédéral, puis au provincial, je ne sais pas. Mais ils sont en train de redonner justement le pouvoir aux citoyens dans certains domaines. Mm-hmm. C'est pas fait. Ils sont en train de le faire. Il y a des services à la ville de Montréal qui ont embrassé cette façon de faire-là, puis qui y croient, puis mm-hmm. qui fonctionnent vraiment bien, et certains arrondissements en particulier. Est-ce qu'il y a un lien entre citoyenneté puis commun? Est-ce que le commun puis l'en commun, quand on diffère d'un en commun, je sais pas, j'aime bien l'idée de se donner un pouvoir puis apprendre à se donner un pouvoir. Puis est-ce que apprendre à se donner un pouvoir, c'est apprendre à devenir un autre, devenir citoyen puis avoir une place en tant que citoyen puis apprendre sa place en tant que citoyen? À Athènes. Mais ça, je dis ça parce que c'est en train de se passer. Actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont nés de la voix citoyenne, de certains citoyens qui se sont mobilisés pour faire bouger, notamment le champ des possibles, c'est un exemple parfait. Mmh. Il y a eu des places publiques aussi qui sont retournées sur les tables de négociation pour pouvoir repenser des espaces publics pour répondre à des besoins qui ont été exprimés par des citoyens et non pas une programmation que la ville s'est inventée pour l'embellir, quoi. Puis en plus, ça, parallèlement, je sais qu'Ottawa est en négociation, je sais que le fédéral est en négociation, ils ont un plan de négociation avec les nations. Là, je fais un grand parallèle, là, mais peut-être il est trop large, là. Mais avec les Premières Nations, puis ils ont un plan de négociation, puis dans leur plan de négociation, c'est de les intégrer dans toutes les prises de décision, par exemple, l'aménagement du territoire. Ils ont comme un comité immense, là, à l'échelle du Canada, qui est représenté dans toutes les prises de décision. Puis ça, c'est rentré dans la réglementation. À chaque fois qu'on fait un offre de service pour Ottawa, tu es obligé d'avoir dans ton équipe la représentation d'une figure autochtone quelconque. Que ce soit un comité qui va se prononcer ou qui va être entendu, ou carrément dans les concepteurs ou les urbanistes. Mais ce serait quoi le lien? Dans ce cas-là, dans le deuxième cas, je ne vois pas la dimension commune là-dedans. C'est, je vois que c'est la reconnaissance, la participation, puis ça fait partie des discussions d'appareil. Mais quand je disais se donner un pouvoir, c'est là où on fait le lien. Je dirais, c'est là où on fait le lien entre les communs puis des mouvements comme la décroissance ou la transition. Mm-hmm. C'est on s'en va dans un mur. Le seul modèle, le seul discours dominant, puis on l'a entendu dans la dernière campagne électorale, puis on l'entend tout le temps, c'est celui de la croissance, création de richesse, croissance, création de richesse. Comment tu peux avoir un discours positif, un narratif positif d'alternative qui dit non, ça se fait. Puis ça se fait, puis c'est pas... pour moi, ça, les communs se situent, politiquement se situent là. Ça fait que de dire, on donne des espaces de participation citoyenne plus grands aux citoyens, mais la prise de décision finalement appartient aux mêmes. C'est pas la même chose que moi, je vois un mouvement d'un commun sur un objet qui dit, on est capable d'en prendre soin nous-mêmes, on n'a pas besoin de vous autres. On est capable de se donner des règles, on est capable de faire fonctionner, puis s'assurer que ça va fonctionner à long terme. C'est ça un commun pour moi. Puis ces espaces-là, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu dis bâtiment, c'est un bon exemple. On réclame un bâtiment, on l'obtient pour $1, on va faire les réparations dedans, mais venez pas nous dire ce qu'on va faire dedans. On est prêt à travailler avec tout le monde, mais venez pas nous dire. On est prêt à négocier avec la ville et tout ça, mais venez pas nous dire comment on va mener notre marque dedans. Puis basta, là. Ils sont vraiment dans cet esprit-là. C'est pour ça que je dis que là, c'est un exemple de commun, parce que la lutte de 10 ans a amené à ça, puis ils ont encore plein de défis, parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles. Quels sont les autres modèles? Est-ce que ça devient juste un projet immobilier? de locataires d'espace à des groupes différents? Ou c'est vraiment un projet communautaire? Oh! Ça, c'est... On peut pas appliquer ça à l'espace public comme on l'applique, comme eux, ils l'appliquent au bâtiment. Je donnais l'exemple des ruelles vertes tantôt. Puis le groupe Solon, quand le groupe Solon travaille avec les ruelles vertes, puis il y a un potentiel là. Ben, imaginons que les ruelles vertes deviennent vraiment la responsabilité des riverains. Je connais des endroits à Montréal, dans Villeray, où ils ont enlevé la ruelle. La ruelle existe. Ils l'ont verdi, c'est-à-dire que ça a prolongé leur terrain. Ils savent que c'est pas eux autres. L'espace qui est là, le 20 pieds, 7 mètres ne leur appartient pas, mais ils ont leur jardin dessus, puis ils ne peuvent pas mettre d'installation permanente. Fait que le cabanon est toujours un peu décalé parce qu'ils doivent laisser ça libre. Mais ils ont réclamé la ruelle, puis ils l'ont fermée. Il n'y a plus de véhicules qui passent. Ça se fait, ça peut se faire, ça s'est fait. Donc, donner aux citoyens, c'est que notre ruelle, on veut la conserver parce qu'on a du stationnement à l'arrière, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut la transformer? Puis laisser la ville dire, on a besoin de vous ponctuellement, mais c'est nous qui allons gérer la ruelle. Là, on rentre dans des espaces de commun et le défi de tout ça. Mais du coup, quand on parle de commun, on parle de liberté d'action et liberté d'implication. Souveraineté. Exactement. Du coup, il y a cette question de l'engagement et de l'implication et de cette liberté d'action. Là, si on fait résonance à la question de l'eau et du fleuve, si ça appartient à des strates politiques et à des autorités et qu'on ne peut pas s'impliquer et avoir une action dessus, est-ce qu'on parle de bien commun? Je fais une nuance. Bien commun, c'est un concept. Ouais, un commun, pour moi, c'est... Le commun, comme c'est une chose. Le bien commun, ben ça, c'est une de vos questions tout à l'heure. C'est parce que... c'est ça. Lorsqu'on veut parler des communs, puis on arrive dans les zones intangibles, le logiciel libre, le paysage, le savoir comme commun, c'est difficile de... Le bien commun est comme diffus, mais on voit pas l'objet. Hein, on voit, c'est pas un bien. Le bien commun, comme l'idée de prendre soin pour le plus grand nombre, je pense que globalement, dans la société, tout le monde est d'accord avec ça. Les États pensent qu'ils font on prend soin de tout le monde, même si ça discute. Dans les faits, tu peux dire peut-être pas, mais cette notion de bien commun est très chargée, puis elle peut être. On se donne tous ces appareils-là autour de nous, le plan d'urbanisme, les plans de gestion de l'eau, plan vert, plan bleu, pour prendre soin, pour le bien commun, pour prendre. Mais ça reste le résultat. Ce qu'on appelle le bien commun, c'est souvent une interprétation d'un résultat du processus, tandis que le commun, c'est dynamique. Il est en train de le faire. C'est jamais abouti. Le bien commun comme une cible absolue, oui, mais on voit que même si on fait tous des trucs pour le bien commun, la planète s'en va sur le côté. Pour moi, c'est un concept chargé. C'est pour ça que je distingue vraiment les deux. Puis souvent, on parle des biens communs lorsqu'on va dire l'eau est un bien commun. Oui, dans un sens très précis. Il faut le qualifier. Il ne faut pas juste le dire comme ça. Est essentiel à la vie, on est composé d'eau, on a besoin d'eau, l'eau potable, c'est nécessaire. Dans ce cas-ci, oui, effectivement, est-ce que c'est proche d'un droit, le droit à l'eau? On peut être dans ce registre de conversation-là, c'est une chose. Parler des communs, la modalité des communs, c'est un autre registre dont on peut parler de la ressource. Pour moi, il faut les séparer. Un côté très général, puis un côté très politique, je dirais. Parce que pour moi, les communs, ça reste politique. Que je fais cette... Mais c'est vrai que, puis ça, c'est des concepts autour des communs que vous avez souvent trouvé, c'est cette question de notion de faisceau de droit sur l'objet. Alors, lorsqu'on regarde un objet comme l'eau, c'est quoi? Quels sont les droits que manifestent des groupes dans la société sur ça? Et est-ce qu'il y a des manifestations de droits collectifs que les gens gagnent sur cet objet-là, puis qui pourraient faire exemple de commun? Les exemples de communs autour de l'eau que je connais le plus proche, c'est dans la région des Laurentides. Il y a des lacs où les gens se sont construits puis se sont mis pas en association vraiment, puis ils protègent le lac. Pas de moto marine, pas de moto de véhicule à moteur. Et ils se donnent. Lorsque je rachète le chalet sur ce lac-là, je suis obligé de souscrire à cette charte du lac pour éviter que ça reste paisible. Est-ce que c'est un commun? C'est un bien club? Il y a toujours des discussions pour avoir autour de ça, mais l'idée, c'est un peu ça. On convient de règles de vie autour d'une ressource qu'on veut prendre soin, la tranquillité, l'espace, l'eau, le lac, pouvoir se baigner, avoir du poisson, ensemencer le lac. Donc, il y a toutes sortes d'activités autour. On prend soin de cette ressource-là, puis on donne une règle de vie, puis n'importe qui peut venir, peut acheter un chalet, les invités sont bienvenus. Mais il y a quand même des règles de fonctionnement, puis on peut pénaliser, parce qu'on s'est donné un contrat moral entre nous, puis un contrat qui pourrait être en doute effectif. Là, on est dans un dispositif de commun et c'est en négociation. Il y a un nouveau propriétaire qui arrive, qui fait la bonne chose, on négocie. On est toujours en train de négocier, c'est dynamique. Lorsqu'on arrive dans le droit, ben, on érige un consensus en loi ou en règle ou en... Et c'est extrêmement dur parce que c'est fixé dans le droit positif comme ça. Tandis que si les communs, tu vis la négociation, on se donne des règles qui peuvent changer. On a le contrôle dessus, mais faire changer une loi, faire changer un règlement d'urbanisme, c'est pour 5 ans ou 10 ans de travail, de lutte puis de recommandations. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une différence entre les deux. Mais c'est sûr que les communs avançant, bien, c'est intéressant que les communs se fassent reconnaître par les autorités publiques. C'est nécessaire. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir des appareils juridiques qui viennent reconnaître l'espace des communs puis qui facilitent la création de nouveaux communs. Mais c'est une question de confiance. C'est-à-dire, tant que les autorités vont penser que les gens ne sont pas capables de s'organiser, on va être dans ce déni-là, là, un peu de difficulté de développer ces possibilités-là. Tu parles de règles de vie dans ces espaces-là. Est-ce qu'il y a des règles de vie et de jeu pour le fleuve du Saint-Laurent? Est-ce qu'on peut en avoir accès? Ça, c'est drôle, le fleuve, parce que le fleuve, c'est... comme je disais, le faisceau de droit est complexe dessus. Si je regarde du point de vue historique, c'est intéressant. Parce que du point de vue historique... Enfin, écoutez les films de Pierre Perrault. Pour la suite du monde, ou les voitures d'eau. Ça se passe à l'île aux Coudres. L'île aux Coudres, qui est après Québec, là, dans Charlevoix. C'est disponible sur onf.ca. Les films de Pierre Perrault. C'est un poète, cinéaste, poète. Mais pour la suite du monde, c'est un super beau film. Mais les voitures d'eau, c'est ce rapport à... C'est des gens sur une île, c'est très proche. C'est pas tellement long pour aller sur le fleuve. C'est sur le fleuve, vraiment. Puis ils pêchaient le marsouin, des insulaires, puis ils faisaient des bateaux. Puis le bateau qui faisait le cabotage partout. Puis là, ben, finalement, la voiture est arrivée, puis ils n'ont plus besoin de bateau. Puis lui a capturé cette fin d'un univers du Québec sur le fleuve. C'est super poétique, puis les gens parlent comme mes ancêtres. Là. C'est très beau. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est les gens se donnaient les règles. Ils négociaient avec le fédéral. Bon, j'ai accès au quai. On a besoin d'un quai sur le fleuve. Là, les quais du fleuve ont presque tous disparu. Hein. C'est l'accès au fleuve pour un bateau, là, les quais ont disparu. Ça a été un élément. Ça, je peux vous donner des angles un petit peu comment le fleuve a vécu, mais celui-là, des quais qui ont disparu, bien, ça a tout enlevé le petit cabotage qu'il y avait de services un peu partout. L'autre élément fabuleux sur le fleuve, puis autour de Montréal, c'est assez fabuleux, peut-être des gens de Trois-Rivières, il y a un chercheur en histoire à Trois-Rivières qui travaille sur le tourisme, c'est les plages, Montréal villégiature. Mm-hmm. Je ne sais pas, mais l'île de Laval, là, moi, j'y allais souvent en vélo. Puis la dernière fois que je suis allé, j'étais vraiment « qu'est-ce qui s'est passé ici? » Mais c'est un bel exemple. Alors, on part de Montréal, on prend le Pie-Neuf, on traverse Pie-Neuf, on passe dans le petit village, qu'on appelle le petit village Saint-Vincent-de-Paul. C'est un petit village bucolique à l'époque, avec des petites maisons, des gens qui étaient descendus dans la côte, sur le bord du fleuve. Il y en a comme une falaise, ils descendent en bas. Il y a des petits chalets, là, puis c'était super sympathique. Aujourd'hui, c'est rendu des grosses maisons de luxe. Les gens ont tout racheté le bord de fleuve. Alors ça, tu continues un petit peu, puis là, là, tu allais au bout de l'île Laval, puis tu revenais, là, c'était des chalets. Les gens allaient là, des chalets, des résidences. Voilà. Les gens allaient passer sur le bord du fleuve, la rivière des Prairies, dans ce cas-là, puis il y avait des chalets. Aujourd'hui, là, c'est rendu des grosses maisons, châteaux, des McMansions, des gros machins, inhabités. Monster House. Oui, il y a ça, des McMansions aussi. Avec les colonnes, puis ça, puis pas de vie, puis c'est des grands terrains, tout ça. Et moi, je trouve ça assez fabuleux de voir cette transformation-là qui s'est faite, alors là, dans l'espace de 5 ans, 5 habitants. Et juste pour dire qu'il y a eu zéro lutte, il y a eu zéro... Les gens étaient contents de vendre leur terrain au bord de l'eau. Puis ils ont décidé de ne pas prendre soin de ça. Puis là, aujourd'hui, les gens qui disent... Bien, quelques qui restent, qui sont à côté, imagine les petits chalets à côté de la grosse maison, là. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu probablement le... ce qu'il y avait, puis tu n'es pas assez nombreux pour en prendre soin de cette ressource-là, qui est que juste l'accès à l'eau dans un espace assez vivant. Donc, il y a ces luttes-là qui existent aussi, qui n'ont pas eu lieu. Tu as des luttes qui peuvent avoir lieu parce que le collectif est assez fort, peut naître, puis d'autres endroits, les luttes ne peuvent pas se produire. Avec cette idée-là d'accès à l'eau, du touristique, d'aller passer, de sortir de la ville pour aller passer un peu de temps au frais, ben, c'est en train d'être grugé par toute cette croissance. Fait que c'est d'autres endroits où les gens ne se posaient pas de questions. Ils achetaient le petit terrain au cultivateur. Le cultivateur, il n'allait pas au bord de l'eau. Le cultivateur restait toujours en retrait. Fait qu'il vendait le bord de la route, il vendait le petit bout de terrain qu'il y avait, il vendait ça, puis les gens ben, installaient des chalets. C'est tout en train de disparaître, ça. C'est l'accès au fleuve, le regard sur le fleuve. Je dirais que quand je disais tantôt qu'on a tourné le dos au fleuve, c'est aussi vrai. Puis on est en train de clôturer par des grosses maisons privées. Puis, cette idée de que les villes ont tourné le dos au fleuve, c'est vrai à Montréal, puis c'est vrai beaucoup dans le monde, et plusieurs endroits aussi, des exemples assez patents. Je sais pas qui. Il y avait quelqu'un. Non. Tu as évoqué le fait que, notamment sur le lac, où il y a comme une espèce de convention morale entre les gens pour dire qu'on protège le lac. En fait, tu as rajouté que finalement, ces lieux-là étaient, tu l'as peut-être pas formulé comme ça, mais il fallait que ces lieux-là soient ensuite reconnus juridiquement. Et en fait, ça m'interroge sur le fait que nous, on a fait des recherches de terrain, et je pense à des exemples précis en Inde, en Afghanistan ou au Bénin, où il y a des organisations complètement autonomes et qui ne sont pas dans l'attente d'une reconnexion juridique. C'est-à-dire qu'ils ont pris le droit de gérer leur territoire eux-mêmes. C'est souvent sur des bassins versants, donc les frontières administratives n'existent absolument pas. Et il y a des métiers d'acteurs de gestion de l'eau. Donc toute la population civile est sensibilisée à ces questions-là et du coup impliquée. Ça rejoint ces notions de... d'activité plutôt que passivité sur ces engagements. Est-ce que finalement, c'est la question du commun, elle n'est pas incompatible avec des processus néolibéraux? Ça ne marche peut-être pas avec. Et est-ce que du coup, on doit être dans l'attente forcément? Est-ce que la communauté doit forcément être dans l'attente d'une reconnexion juridique par un pouvoir central, on va dire ça comme ça? Le plus bel exemple qu'il y a de c'est Naples. Avec la renationalisation de l'eau à Naples. Il y a l'avocat qui a travaillé sur ce dossier-là, j'ai oublié son nom, sur la commission Rodota, je pense, c'est ça. Dans les vidéos de la ECC, la conférence de Berlin, il parle. Et ce qui s'est passé, c'est que l'eau appartenait à la ville de Naples, puis ils l'ont privatisée. Là, c'est devenu le bordel. Puis il y a eu des luttes populaires pour remunicipaliser l'eau, je dirais. Donc. Et le truc de l'avocat, il disait plusieurs choses dans son truc. Lui, il est accompagné toujours de garde du corps parce que c'est la mafia, puis il a toujours deux gardes du corps avec lui. Quand il sort du pays, il y avait toujours ces deux gardes du corps qui étaient dans la salle. Puis, ça peut arriver n'importe quand. Parce qu'il est vraiment confronté aux résultats populaires. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, effectivement, c'est politique, c'est une lutte. C'est que tu peux faire ça sans avoir la reconnaissance de l'État, et tu t'exposes toujours à un droit externe qui vient surtout quand ça marche. tu prends soin, tu as un paquet de ressources dont tu prends soin, puis à un moment donné, ben, ça ne marche plus, puis on vient piger dedans. Puis c'est ça. Ça, c'est de l'extractivisme. Tu viens piger dans la ressource dont tu prends soin, puis tu n'as pas la capacité de répondre. Et c'est pour ça que la lutte politique, le chemin, lorsqu'on voit, nous, dans le développement des communs, un peu à l'échelle d'Europe, quand tu regardes la Grèce, ce qui se passe à Barcelone, un peu partout, tu vois, cette frontière-là, c'est la reconnaissance juridique des communs qui est comme importante. C'est-à-dire que ça peut exister. Il doit y avoir des mécanismes, il doit y avoir un minimum de soutien qui fait en sorte que le commun peut avoir un espace pour exister. Donc, quand je donne l'exemple de champ des possibles, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a aucune juridiction. Puis ce que disait l'avocat, il s'est dit, privatiser, on a le droit pour faire ça. Nationaliser ou remunicipaliser, on n'a pas le droit. On n'a pas de droit. Il n'y a pas de... C'est quoi le contrat qu'on a avec un collectif qui peut être informel, qui n'a pas besoin d'être constitué par une association, mais un collectif informel qui dit « je vais prendre soin d'une ruelle ». OK. C'est quoi le saut de confiance que je dois faire comme État pour dire « OK, je fais confiance à ce groupe-là ». T'sais? Alors, qu'est-ce qui manque comme mécanisme juridique? C'est une des frontières des communs présents. Alors, qu'on peut l'appliquer à n'importe quel truc, c'est ce saut-là, quand on dit que le commun doit se faire reconnaître, doit avoir une négociation, enfin une tension à faire avec les puissances publiques, c'est se faire reconnaître en disant « laisse-moi faire, je suis capable de faire ». Tu sais, ça là, c'est là où il peut y avoir des mécanismes juridiques qui peuvent jouer, peuvent aider, faciliter, dans des à Barcelone, c'est ce qui s'est en train de tranquillement s'installer, des mécanismes juridiques qui reconnaissent des initiatives locales, mais c'est encore fragile, parce que là, avec Manuel Valls, ça vient avec, à la mairie, peut-être, on verra. Bon, il est bancal, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Mais il n'est pas là, il n'est pas encore l'instant. Oui, oui, oui. Moi, c'est quand il représente les forces, c'est une force sur la Barcelone, mais c'est pas la force de Procomune, c'est pas... Il y a comme ces batailles-là qui existent, mais c'est, donc il y a la question des mécanismes juridiques, c'est qu'est-ce qui fait qu'un commun peut se défendre, puisse résister aux assauts, c'est des luttes. C'est la force du collectif, c'est les moyens qu'on se donne. Et que se passe-t-il quand un commun est vendu? Par exemple, l'État revend l'eau à Nestlé en tant que multinationale et fait confiance à une multinationale. Si, ils sont tellement plus sérieux, les multinationales, ben, ça risque ce qui arrive. Hein. On voit, surtout dans les pays du Sud, dans les pays d'Amérique latine, c'est là qu'on voit, on a eu des gouvernements en Bolivie très progressistes, très de gauche, puis finalement, c'est ce qu'ils appellent le néo-extractivisme, hein, c'est juste une meilleure belle façade, mais on permet aux mêmes compagnies minières de venir épuiser des ressources. Fait que ça, le commun peut lutter contre ça, puis tant que le commun reste dans les zones faciles, je dirais, bon, le champ des possibles, ça ne dérangera pas grand monde, peut-être quelques premiers propriétaires potentiels développeurs immobiliers. Lorsqu'on arrive sur des sujets critiques où il y a vraiment un risque important, je dirais qu'il pourrait y avoir le commun de la canopée à Montréal. Parce que les gens rasent les arbres, puis ça fait des îlots de chaleur. Pourquoi pas créer un commun de la canopée? Donc on va planter des arbres, puis ils vont faire partie d'un commun. On peut inventer toutes sortes de choses autour de ça. Mais ça reste des luttes politiques, puis ça reste cette reconnaissance-là, puis c'est là une frontière qui existe, puis quand ça ne marche pas, ben les communs, ça va toujours rester fragile dans la mesure où il n'y a pas ça. C'était des droits qui étaient reconnus historiquement. C'est juste le droit positif bourgeois et capitaliste qui est venu écraser tout ce droit coutumier, mais ça reste du droit coutumier. Et la résurgence du droit coutumier, alors quand tu vas dans des pays en Inde et tout ça, il reste, puis en Afrique, il existe du droit coutumier qui est encore parfois même institutionnalisé. Mm. Et puis, mais un droit coutumier, par définition, ça évolue. Il y a Rick Hobsbawm qui écrit, comment ça s'appelle son livre, c'est La naissance des traditions. Les traditions naissent un jour, ils apparaissent, puis ils disparaissent. Le kilt est une tradition du 19e siècle. Enfin, c'est pas depuis toujours qu'il y a des kilts. Oui, il y a eu des kilts, mais le tilt représente la famille, puis ça, là. C'est le 19e siècle, c'est quand ils sont devenus assez bourgeois, puis ils veulent se reconnaître. Donc, comment naissent les traditions et meurent les traditions, c'est intéressant. Mais lorsque tu regardes dans le droit coutumier, c'est comment on se donne des nouvelles traditions, des nouvelles règles de vie, puis on sait qu'on peut les changer. C'est ça le pouvoir. On peut changer la manière dont on fonctionne. C'est de l'autogestion, on va dire, mais c'est pas d'autogestion. C'est des couleurs. On est dans les couleurs. C'est le bel univers qui. Encore une question sur la différence que vous feriez entre société et commun. Si je vous entends bien jusqu'à maintenant, le commun est presque forcément une lutte en opposition avec une domination, une situation pour laquelle on réagit et on forme un groupe hétérogène. En quoi ces pratiques du commun peuvent inspirer la formation d'une société? Parce que ça peut aboutir à plusieurs communs qui veulent pas forcément vivre ensemble, parce qu'elles sont liées à des intérêts ou des biens à défendre, des ressources à défendre, mais il n'y a pas de projet collectif de société. Est-ce que tout va être commun? Je ne pense pas. Est-ce que tout ça va être une mosaïque de commun? Je ne pense pas non plus. Je pense que c'est pas. Je suis pas sûr qu'on devrait poser la question de cette façon-là. Pour paraphraser mon ami Alain, il y a une question de désir dedans. On va sortir de la logique du besoin, rentrons dans la logique du désir. Si vous vous êtes mis ensemble, c'est parce que vous aviez le désir de faire des collectifs. Alors, les communs, on devrait travailler non pas sur le besoin, que la crise, aller dans une dimension plus de désir. On souhaite. Et c'est là que c'est probablement d'où vient le pouvoir à ce moment-là. On n'a pas beaucoup d'exemples, ce qu'on pense, c'est que dans un contexte où on doit réfléchir à de nouvelles façons de vivre ensemble et s'assurer qu'on n'épuise pas les ressources et tout ça. Le dire, on peut se mettre ensemble pour le faire, ça, c'est une des voies. L'autre voie, ça serait que l'État soit éclairé, puis bienveillant, puis vienne d'allumer, puis fasse quelque chose. On pourrait penser que c'est ça. Et c'est pas impossible non plus. Mais ça, on parle du bien commun, on sent du bien collectif, là. Mais si dire qu'il y a une manière de s'organiser entre nous pour pouvoir atteindre quelque chose qui nous est cher, un objectif, puis de développer cette voie-là comme une voie qui existe, pas sur tout, sur des aspects de vie peut-être plus critiques, qui sont plus menacés ou pas, ou qui sont plus à notre portée. Oui, la société va être là quand même, puis les tensions, le commun a résolu, je pense pas, on ne pourra jamais résoudre des tensions, puis c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse aussi, ces questions identitaires, c'est que moi, comme personne, je suis comme un enfant avec ses jouets. Il peut partager ses jouets, mais il a besoin d'avoir ses jouets. Puis cette tension-là, on l'a en nous, puis les commandes, c'est pas effacer l'autre partie, je dois être Yves. Je suis quelqu'un d'unique au monde. J'ai besoin de me manifester dans la vie par mes vêtements à moi, pas avoir l'uniforme que tout le monde porte. Mais il y a comme tout ça là, qui joue là-dedans. Mais ça, c'est des tensions qu'on a en nous. Puis lorsqu'on entre dans un commun, on entre avec ces tensions-là. Puis on cède. On cède quelque chose. On cède un petit peu de notre pouvoir, mais on sait qu'on contribue au pouvoir collectif. Fait que ça, là, c'est de développer cette compréhension-là qu'on peut être tout ça en même temps, plutôt que juste d'être un ou l'autre. On est tout ça en même temps. On est très privé, puis on peut être très, très, très solidaire, très public, très avec les autres. Puis ça, dans la société, quand tu reflètes ça, ça veut dire qu'effectivement, l'État fait bien des choses. Pour ramasser les poubelles, pour s'assurer que l'eau est propre, qu'on boit, l'État fait très bien des choses. On peut, peut mutualiser à un acteur une gestion, ça va être beaucoup plus efficace parce qu'il y a des choses qui demandent juste d'être exécutées et faites avec régularité. On n'a pas besoin de fonctionner en commun pour ça. Mais d'autres choses... Peut-être la gouvernance de cette institution-là a besoin d'être en commun. Mais je veux dire, la mécanique, on n'a pas besoin de tout gérer, tous les petits détails. Non, il y a des choses qui fonctionnent bien. Puis il y a d'autres choses. C'est un peu, là, il faut retourner à l'intérieur de la complexité. Puis c'est... Quand le cause à effet est connu, on peut organiser ça comme les militaires l'ont compris. T'sais, les militaires, ils essaient de maîtriser dans le chaos, de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est comme deux opposés un peu, mais... Quand tu es en guerre, ça peut péter de tous les côtés, puis surtout les guerres modernes, on ne sait pas d'où ça va venir. Là. Ça, c'est une chose, mais lorsque les choses sont connues, puis on a une cause à effet très claire, ça va. Lorsque les causes sont multiples, puis on n'est même pas sûr de l'effet, on a besoin de travailler ensemble. Puis d'avoir bien, bien, bien les yeux dessus. Fait que c'est pour ça que probablement que les communs s'appliquent très bien dans le monde très complexe où on est, où on ne sait pas si on fait tel geste, ça va aboutir au résultat escompté, parce qu'il y a trop de facteurs autour. Puis on a besoin d'expérimenter à l'intérieur de ça. Fait que les communs, pour moi, c'est une zone d'exploration extraordinaire des rapports, de manière à bâtir de nouveaux rapports, à des échelles peut-être très locales. Puis éventuellement, ces échelles locales-là peuvent, à travers à ce niveau local, peut amener des effets de bord sur la transformation de la société. Ça peut amener à une compétition des identités aussi. Oui. Mais c'est drôle parce que j'ai travaillé beaucoup en coaching, en économie sociale, puis... Là, tu rencontres le jeune entrepreneur qui dit qu'il veut faire un collectif, puis tout seul. Il dit, le problème, c'est de passer à deux, puis après ça, de 30 à 5, puis rendu à 13, puis là, tu commences à avoir d'autres genres de problèmes. Puis à chaque échelle, tu as des problèmes. Fait que les communs, c'est un peu la même chose. À chaque échelle du commun, tu vas avoir des problèmes. Donc, l'idée, qu'est-ce que tu dois faire comme entrepreneur? Bien, c'est bâtir des outils pour entrer dans ce problème. Être capable de les affronter, puis de trouver des moyens. Puis ça, c'est des outils de design, c'est des outils d'imagination, d'intelligence collective. C'est plein d'outils à le faire. De savoir que ça existe, que tu vas travailler solo, tu vas travailler avec plusieurs, puis comment tu fais monter ça en puissance, c'est les problèmes des communs, ça. Et surtout ça, comment dire, se détacher de ton idée. Ça, c'est le plus dur. C'est prendre une idée, tu sais, l'effet fondateur qu'on appelle, mais c'est pas... Il y a deux sortes de termes autour de ça, mais c'est moi qui ai eu l'idée le premier. Tu sais? On parle d'identité d'ego, là. Mais il faut que ton idée devienne au centre, puis ça ne soit plus ton idée. Puis il faut que quand les autres commencent à parler ou nous, là, autour, là, puis tu te dégages, tu as réussi ton truc. Puis ça, c'est très commun, ça. Comment on développe ça, cette habitude-là? Parce qu'on est dans un star system de l'entrepreneur, on est dans le star system de la vedette politique. C'est quoi une vedette? Écoute, au Québec, là, il y a eu le débat autour des deux co-porte-parole de Québec solidaire, un homme et une femme, c'est même dans leur statut. Il y a toujours deux co-porte-parole, il n'y a pas de chef. Puis les gens n'arrivent pas à comprendre que ça peut exister, deux personnes qui représentent un parti politique. Moi, je trouve ça fascinant. Mais non, mais on est un collectif. N'importe qui dans le collectif peut représenter le collectif, non? Si la question du pouvoir a été réglée, oui, on peut avoir des titres. Oui, on peut avoir des responsabilités. Oui, on peut avoir plus ou moins leader sur un truc ou l'autre, mais on peut parler au nom du collectif. Chacun a le droit, si le collectif est comme ça, veut ça. Mais ça, c'est un peu ça, la question du... Pour moi, le rapport, ça va changer la société parce que, justement, si on dégoupille ces questions de vedette puis de représentation unique puis d'investir des personnes avec des pouvoirs surnaturels, on vient de gagner un petit peu. C'est-à-dire que la personne qui soit en pouvoir sache puis au-delà de juste la rhétorique, sache qu'elle doit travailler avec tout le monde pour avancer, là, puis être juste le porte-parole de ce qu'on décide ensemble. Là. Moi, ça sera déjà un gain assez important. Puis c'est ça qui m'intéresse. C'est intéressant du point de vue politique, mais je reviens à nous, à la zone d'intérêt chez Remix, puis ce qu'on explore avec les amis de Percolab, puis Matière Brute, puis tout ça. Donc, c'est un petit peu cette... OK, comment on travaille pour développer chez les personnes ces habiletés d'être en collectif, puis en mouvement collectif, puis en outillage d'intelligence collective. Fait que ça, c'est un peu cette zone-là. Oui? Justement, concrètement, est-ce que vous avez des outils? Vous répertoriez des expériences? Vous êtes... Dans Remix? Pour donner ouais. des solutions, on parlait du bâtiment 7, donc on y était hier soir. Ouais. On a rencontré Kevin. Kevin, OK. Mm-hmm. Très bon échange. Hein, voilà, on l'a interrogé sur des questions de la communauté, de comment tu fais la communauté et comment ils s'organisent. Et c'était de savoir est-ce qu'ils sont. Tu sais, ils sont un peu perdus sur cette question-là, mais est-ce que les groupes comme Remix peuvent dire, montrer et répertorier des expériences qui sont. C'est ce qu'on fait. Ouais. Le gros projet sur lequel travaille Alexandre, entre autres, puis Fred, c'est comme ça découle. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est développer des objets qui aident les commoners à prendre. Donc, il y a toutes sortes de stratégies, là. L'Atlas des communs urbains, c'est comment tu. Des chartes des communs urbains, c'est-à-dire que c'est comme. Quels sont les outils que se donnent les communs urbains en émergence ou qui ont essayé et qui n'ont pas marché? Mais c'est quoi les outils qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Dans la démarche de constitution, qu'est-ce qu'ils ont développé comme une charte? Comment on développe une charte? Fait que ça, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe en Angleterre qui travaille sur les chartes. Je vous dis le nom, là. En tout cas, vous allez trouver ça sur Remix. L'idée de dire, ça c'est un intéressant, c'est quoi une charte? Comment on travaille avec une population à développer un entendement commun? Comment ils conviennent? Apprendre à convenir. Convenir, c'est voici nos règles. Voici, on s'entend là-dessus. Au Sénégal, il y a les chartes de bon voisinage. Ça, c'est juste dire, on ramasse nos poubelles. Tu sais, mais cette idée, c'est la première étape vers un commun. On se reconnaît, puis on convient de règles ensemble. Puis après ça, tu peux aller vers des luttes pour baliser ton commun, puis négocier avec l'État et tout ça. Mais au départ, c'est la première partie. Donc, on documente. Puis ce qu'on devrait commencer à faire, là, on est en train de voir un petit peu, on va le faire à Montréal, on ne sait pas si on peut le faire en France, c'est développer une série d'ateliers avec des gens de commun, puis d'approfondir cette question-là de l'art de convenir ensemble, en disant que c'est une des chevilles qui existe dans la création d'un commun. Il y a un collectif, les gens veulent dire comment on se constitue, comment on se convient les règles ensemble. C'est une zone assez incroyable. Mais au-delà de ça aussi, c'est toute la question des appareils juridiques. Alors, comment les communs réussissent à négocier avec les puissances publiques, comment la puissance publique reconnaît l'existence d'un commun. Il y a aussi cette négociation-là, c'est une autre zone. Puis d'autres frontières des communs sur la protection sociale, tous les endroits où l'État commence à se désengager un peu, quel est l'espace que ça ouvre pour des communs? Et il y a aussi ça comme dynamique. Là. On reste dans le plan politique. Les Européennes aussi s'en viennent voir un petit peu comme l'agenda des communs monte à ce niveau-là. On travaille à l'échelle européenne pour voir des... Puis en même temps, c'est travailler en largeur, c'est travailler à dire que ça existe. Ça se manifeste de toutes sortes de façons. Donc on travaille avec les gens en cartographie, les gens de cartographie des communs, on travaille avec les gens de... partout là, là-dessus, juste pour manifester, donner des exemples qu'il y a des alternatives, mais nous, notre objectif, c'est de ce qu'on récolte comme matériaux, développer des artefacts, des outils, on a développé un jeu de cartes, on a développé une exposition, donc c'est un peu ce genre d'outils-là qui permettent aux gens aux commoners, surtout notre intérêt, c'est d'aider les commoners à avancer. Donc l'idée, là, le problème, c'est ce qu'on devrait faire, dans nos cartons, là, puis on va peut-être commencer à Montréal, peut-être en janvier, c'est une série d'ateliers de travail avec sur la question de comment l'art de convenir ensemble dans l'esprit des communs. Dans l'esprit de Art of Commoning. Art of Commoning, on travaille beaucoup plus sur la personne. Là, c'est travailler plus sur comment ensemble on... Et aller chercher des collectifs, souvent des collectifs autogérés, puis comment vous négociez ensemble, comment vous convenez de vos règles, puis dire « Ah! » Puis les défis que ça représente, parce que c'est ce qu'on entend des expériences à Montréal. C'est une frontière... On manque de modèles ou on manque d'outils. Il y a un manque de. C'est quoi une boîte à outils lorsqu'on veut faire des communs? C'est quoi? Là? Il y a ce bout-là qui est important. C'est comment on fait une charte? Une charte au sens très large. Là. Puis est-ce qu'encore une fois, le champ des possibles, c'est un bon exemple? Ils ont fait une charte ou ils ont tué leur organisation? Ce qui nous intéresse dans le champ des possibles, c'est beaucoup plus comment ils ont réussi à négocier avec la ville. La ville. Ça a été quoi l'argumentaire? Ça a été quoi les points d'inflexion? Ça a été quoi les leviers qu'ils ont utilisés? C'est comme je dis souvent, c'est souvent utiliser dans le droit ou dans... de bien lire ce qui se présente. C'est vrai pour les demandes de subventions, comme c'est vrai pour les législations ou les nouvelles législations qui demandent la participation. Mm. Pour trouver les endroits où tu peux glisser ton point de levier pour ouvrir et pour passer. Ça, c'est... je pense que le champ des possibles ont réussi ça en raison de l'administration Fernandez, beaucoup de velléité sur le terrain, un manque de clarté sur le zonage. En tout cas, il y a comme eu... C'est ça, il faut sentir cet endroit où on peut glisser, puis lever, puis faire pas entrer les communs tranquillement. C'est ça qui nous intéresse à bien des endroits, des expériences qu'on a pu voir. Des fois, c'est modifier profiter de... Je pense à l'Hôtel du Nord à Marseille, où ça a été profiter d'une charte que la France a signée sur... je ne sais plus exactement le truc, mais ils se sont servis ça comme base pour partir leur argumentaire pour concurrencer Airbnb en faisant un hôtel dans un quartier. Mais un hôtel qui est quand même une plateforme qui permet aux gens de résider chez les gens de la place. Ça s'appelle l'Hôtel du Nord. C'est dans un quartier un peu difficile de Marseille. Mais si tu veux connaître le quartier, bien, au lieu d'aller chez Airbnb et pas voir personne, bien, tu t'envoies à l'Hôtel du Nord. Là, tu as un citoyen du quartier qui va te guider dans le quartier. Fait que moi, je dis, c'est quand c'est une coopérative, il appelle ça une coopérative de résidents. C'est un commun. Parce que le commun, c'est leur quartier. C'est symbolique, mais le quartier, comme épaisseur historique. Fait que les communs, c'est une zone, moi, je trouve une zone d'invention extraordinaire, comme le modèle. Puis on peut commencer à jouer avec, mais ça reste qu'ils se sont entendus entre eux autres. Ils ont fait une charte. Puis ils se sont dit, voici comment on va fonctionner comme association, organisation, l'accès à la plateforme, nos valeurs. Mais ils sont partis de quoi? C'est quoi? Ils ont profité de quoi exactement? Il y a eu une charte européenne. C'est comme une charte européenne. Je ne sais plus exactement le contexte. Il faudrait que je relise. C'est documenté chez Remix. Mais c'est juste dire que ça leur a donné le narratif, l'argumentaire pour bâtir le projet en disant que ça s'inscrit dans ça. Alors comme c'était européen et signé par la France, ça leur a permis d'être très solide vis-à-vis des pouvoirs publics en se présentant dans les pouvoirs publics pour avoir une certaine... possibilité d'avoir des établissements, un établissement hôtelier dans un quartier qui ne permettait pas vraiment de coller. C'est comment on peut se servir de ces leviers-là pour faire tomber les obstacles qui disent non, le commun n'est pas possible, le commun est empêché. Donc, je pense que c'est ça, c'est de la réelle politique. Puis c'est là où tu as des acteurs comme les gens de Bâtiment 7, c'est des ninjas. Là. Ils ont tout utilisé ce qu'ils peuvent trouver comme argument, mobilisation, tout ça pour. Chaque fois qu'il y avait un obstacle, là, ils trouvaient le moyen d'aller chercher ces petits leviers-là puis le faire basculer puis avancer. Puis je pense que c'est ce qu'on voit dans les communs. C'est ce côté très concret, bonne lecture du terrain. Donc, comment on forme des commoners? Comment on leur donne ces outils-là pour devenir des judokas de l'administration publique? Prendre la force de l'adversaire pour le faire tomber? En ce sens-là, est-ce qu'on a parlé que d'exemples positifs, de choses qui ont marché? Est-ce qu'il y a aussi des contre-exemples? Et précisément sur des récupérations, parce que quand on voit l'histoire de l'économie sociale et solidaire, ça a aussi inspiré des villes pour construire la ville rapidement, passer du travail dans du bénévolat. Enfin, il y a eu toute une perte qualitative énorme de ce qui était à la base les éthiques. Est-ce qu'il y a... Les exemples de communs qui se font approprier... C'est quasiment la norme. L'exemple le plus récent que je connais, c'est pas être proche du fleuve toujours, c'est à La Prairie. La Prairie, c'est un des derniers villages autour de Montréal où il y avait un commun, un pré commun, un pré salé, un propre pré salé dans ce cas-ci, mais un pré sur le bord du fleuve. Puis il y avait des arbres, tout ça, puis ça a été loti, transformé par des développeurs immobiliers. Donc c'est la norme. Il y a beaucoup de communs, comment je veux dire, c'est dur, c'est pas évident, là. C'est extrêmement difficile. C'est des luttes, c'est dans le long terme, il y en a qui ça marche pas, il y en a qui ne fonctionnent pas, il y a un épuisement. Hein. Je pense que là, je parle précisément de l'utilisation par l'autorité ou les pouvoirs publics des outils même du commun Ça, j'en connaîtrais, j'aurais des difficultés à répondre vraiment à l'exemple là-dessus. Parce que franchement, pour l'État, ici au Québec, là, tu dis commun, c'est blanc, il n'y a pas de réaction, les gens te regardent bizarrement, tu es martien, là. C'est mes 5 dernières années de ma vie. Martien, un peu parler des communs ici à Montréal. Parfois, les gens bon, on en a parlé, nous. Je pense à un exemple, en consultation publique, sur une nouvelle place publique à Ville-Saint-Laurent, qui n'est pas la ville la plus, c'est pas l'arrondissement le plus vieilli, là. Mais on avait évoqué auprès des acteurs sociaux qui étaient là, devant nous, en disant, ben, vous pourriez vous donner une charte d'utilisation de la place publique. Puis convenir d'une charte d'utilisation qui soit, soit la vôtre. On utilise la place publique pour ces fins-là. Puis c'est nous qui la faisons, avec, en collaboration avec la ville. Et que la ville est partie avec ça, puis ils ont fait la charte, puis ils l'ont imposée. Ça a marché? Non, c'est la ville qui l'a imposée, Marion. Comme ils font avec n'importe quel parc public, tu faire ceci, tu n'as pas le droit d'avoir d'activité commerciale, mais oui, mais on parle de groupe communautaire qui a pu dire, bon, on pourrait tenir un mat, tu sais. Non, la ville va organiser le marché public, tu sais. Donc, toi, c'est, tu peux dire, il y aurait une manière différente. Quand tu disais tantôt, ben, je réagis beaucoup à l'idée que ils sont très ouverts. Ils ne sont pas très ouverts. Ils cherchent une autre manière de... Ils ne peuvent pas tout faire, puis... Mais d'avoir confiance aux citoyens, que les citoyens s'organisent pour prendre soin de quelque chose. Là. Mais c'est pas inscrit dans la mentalité, mais politiquement, avec Projet Montréal, c'est dans leur mentalité profonde. Ça inspire beaucoup de ce qui se passe à Barcelone. Mais à Barcelone, il y a une grande leçon qu'on apprend. Puis Alain, il vit à Barcelone, puis il dit... t'as Procommun qui arrive au pouvoir, puis tous les anciens chums des anarchistes, des quartiers anarchistes, de rien savoir de l'arrondissement quand même. Ils ne font plus confiance. Là. Ils sont rendus au pouvoir. Pas correct. Fait que même si c'est le gouvernement le plus ouvert aux initiatives citoyennes, ils ont de la misère à rentrer dans les quartiers qui ont leurs propres initiatives citoyennes. Ils ne demandent pas la permission. Puis c'est des années. C'est long à défaire. Tu peux t'inspirer beaucoup de ce qui se passe à Barcelone, mais à Montréal, ça va faire un an qu'ils sont au pouvoir. C'est trop jeune. Puis tu as un appareil derrière, tu as l'appareil bureaucratique qui... Puis je vais vous dire, parce que vous êtes dans le milieu d'architecture, ils ont à se battre aussi contre le syndrome de l'expert directeur artistique, de constructeur de la ville. Quand tu arrives dans les administrations publiques, puis pour avoir fait de la participation avec des gens, puis pas juste de la ville, tu as ça dans le privé aussi, tu as ce défi-là de dire, un citoyen peut dire ce qu'il ressent, il a sa propre expérience, puis toi comme expert, tu as un certain niveau d'expérience, puis il y a un moyen de vous rejoindre. Parce que dans le fond, tu as besoin de ce que le citoyen va te dire pour mieux comprendre un petit peu dans quoi tu vas intervenir. Mais il y a des gens pour qui, c'est tout de suite, quand tu arrives dans la situation de participation, ils sont derrière en disant « Ils vont dessiner à notre place. » Un gars, tu te fais un truc d'égout, penses-tu qu'il va dessiner un tuyau d'égout? Tu es professionnel. Moi, ce qu'on leur dit, c'est « Ils sont chanceux, les citoyens, d'avoir des professionnels qui passent 24 heures sur 24 à penser à ce projet-là. C'est génial. » C'est ce qu'on leur dit aux citoyens. Regardez, vous pouvez leur parler. Il n'y a jamais été question que les citoyens vont dessiner à la place d'un architecte. Ils sont capables de dire quelque chose. On aimerait ça, avoir ça. Ils sont capables de dire ça. Puis ils ont ce pouvoir de le dire. Mais ça, c'est compliqué. Mais il y a souvent à l'intérieur d'une administration municipale, c'est que tu as des élus. Puis tu as cet appareil-là, là, qui est une méchante machine avec des baronnies, des petits barons, puis tu as des fiefs, des sous-fiefs, puis d'un arrondissement à l'autre. Oh, c'est pas les mêmes. Puis ils n'ont pas tout à fait la même vue. C'est que ça là, c'est des structures de pouvoir occultes, mais aussi un pouvoir qui vient du savoir. Puis ça, c'est plus tannant à travailler, ça aussi. Même si il y a moyen de travailler de cette façon-là, puis de dire, ben non, ça, on est tous derrière le même projet, là, tu sais, c'est pas... Mais il y a toutes ces zones de pouvoir, des fois c'est administratif, puis des fois c'est juste l'expertise qui vient embêter, puis c'est un pouvoir qui s'exerce sur les citoyens de façon très violente, parfois. Oui, sur la question des contre-exemples qu'évoquait Claire, enfin, tu l'as compris d'une certaine manière, et finalement c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'on se fait à chaque fois rattraper par une espèce d'institutionnalisation de ce qui a été initié. Il y a ce défi-là. Ouais. Et est-ce qu'il faut. Enfin, je repense du coup à d'autres poches où les gens se disent c'est autonome, il n'y a pas de gouvernement central, et c'est communautaire du coup. Enfin, la communauté, c'est pas forcément 4 personnes, c'est des échelles où on arrive à 70 000 personnes, 100 000 personnes, avec une espèce d'organisation que moi je vois comme un commun, mais qui n'attend pas de reconnaissance. Ils la veulent pas, ils sont en opposition par rapport à ça. C'est aussi lié à des contextes politiques souvent instables, etc. Mais du coup, ici, comment est-ce qu'on instaure ça? C'est-à-dire que, de la même manière que les tiers-lieux, nous, en architecture, il y a des lieux comme ça qui se créent à partir du squat, etc., mais où très vite, ils sont institutionnalisés et rattrapés par des réalités. Donc, j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose à t'entendre sur les communs. Ce qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut être dans des zones de non-droit complètement reculées ou partir dans le strict opposé ou être anarchiste. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Est-ce qu'il faut pas travailler sur un commun juridique, pour pas que ces expérimentations, comme tu as évoqué, ces zones d'exploration, mm-hmm. finalement, soient perverties avec le temps et récupérées, et les outils que toi t'évoquais soient finalement utilisés dans un autre but, beaucoup plus néolibéral. Est-ce que ce n'est pas la question de la frontière finalement qui pose aussi problème, c'est-à-dire qu'on a des états-nations immenses où des notions de communauté à des échelles micro peuvent exister, mais qui sont toujours régies par quelque chose d'un point de vue juridique beaucoup plus large. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur des poches de commun juridiques spécifiques à un contexte pour pouvoir préserver cette espèce de perversion, standardisation, uniformisation d'un commun? Je pense pas qu'on est, je pense pas qu'on soit rendu là, mais tu disais que c'est pas des zones de non-droit un commun. Hein. Non. C'est des zones de notre droit. C'est, non, justement. On le fait nous-mêmes. Ouais. Mais je sais pas. Il n'y a pas assez d'expérience. J'ai de la misère à généraliser comme ça. C'est-à-dire de dire qu'il y a un commun juridique. Ça veut dire quoi, ça, un commun juridique? Non, c'est une question que je pose. Ou un droit des communs, peut-être. Qu'il y a un droit des communs. C'est-à-dire que. Puis c'est la zone de travail. C'est de faire en sorte qu'on puisse travailler à ce que puisse exister les communs. Que cette forme-là de gouvernance puisse être reconnue, ne serait-ce que ça se peut, c'est correct, c'est pas négatif, c'est pas le contrat privé, c'est pas le, tu sais, c'est pas la coopérative, c'est pas, non, ça s'appelle un commun. Est-ce que ça, quand on dit institutionnalisé, c'est encore à toutes sortes de niveaux, hein, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire de se faire reconnaître, que les communs se fassent reconnaître, puis ça, c'est la grande bataille du mouvement des communs à l'échelle d'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui reconnaissent cette possibilité pour une collectivité de pouvoir, collectivité, collectif, groupe, là, de pouvoir exister et d'avoir une prise sur un objet haut, hein, ou autre chose, et que ça soit correct, que ça soit pas un vide juridique. C'est un peu ça. Donc, quand on parle d'outils juridiques, c'est un peu ça. C'est cette reconnaissance du commun comme, oui, ça peut exister, c'est un mode d'organisation, de gouvernance qui peut exister. Et ça, c'est une bataille politique à assez haut niveau. Et que ça soit reconnu dans le droit ou par des mesures, c'est un peu cette bataille-là. Donc, est-ce que c'est une institutionnalisation? Il peut y avoir des contraintes liées à ça. C'est-à-dire que le commun doit faire une déclaration annuelle pour dire, voici, je ne sais pas, comment chaque administration peut gérer cette reconnaissance-là. Ça reste à voir et à vivre, sans doute. Mais c'est ça que recherche le mouvement des communs. C'est-à-dire on peut continuer d'exister sans être. C'est ce qui aurait permis peut-être à la ZAD Notre-Dame-des-Landes de en quelque sorte, malgré, de pouvoir dire, on a un levier pour dire, on existe, donc maintenant, on va être capable de vous rendre des comptes, de pouvoir négocier avec la puissance publique, pas notre existence, mais la vitalité, de dire, tant que ça existe, un commun peut tomber, comme une entreprise peut fermer, peut faire faillite. Donc, tu as besoin de prévoir aussi, quand le commun n'existe plus, qu'est-ce qui se passe, peu importe la raison. Il y a comme la partie, la frontière, quand tu dis un commun juridique, c'est plutôt le droit des communs. Alors, comment il est balisé, puis comment il est balisé de façon la plus large possible, c'est ce qu'on veut avoir. Hein. On ne veut pas avoir un droit, ceci est un commun, puis à côté, ça ne peut pas en être un. Qu'est-ce qui ferait que, puis à partir de ça, c'est à partir du travaux de Nordstrom et tout ça, c'est comment on peut revenir au principe des communs, puis dire, lorsque ça existe, lorsque ça est une manifestation, et lorsqu'on peut constater qu'il y a une collectivité qui prend soin d'une ressource avec des règles, ça devient commun. Et si c'est ça, qu'on ait cette reconnaissance-là, que ça peut exister le temps que ça existera, puisque il n'y a rien de permanent. Si le collectif disparaît, si le collectif perd d'intérêt, le commun peut tomber. Je préfère que ça soit, des assauts de bataille de droit, de militaires qui viennent prendre possession. Cette question de la bataille pour le droit au commun, le droit des communs, il doit juste permettre de garder cette frontière-là. C'est-à-dire on permet l'existence, mais nous, à l'intérieur de cet espace-là, on fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'adopter. C'est la même chose que dans les traités internationaux sur ça va être quel droit qui va prendre priorité sur, de quel pays va prendre priorité sur l'autre. C'est un peu ça, on est dans ces zones-là. Là. Mais la reconnaissance des communs, c'est lié à ça. La reconnaissance, c'est aussi reconnaître que cette existence-là, ça peut exister. Et ça existe de toute façon. Ça n'attend pas cette reconnaissance, mais là, c'est le passage à l'échelle. Et si tu as 100 ans d'expérience d'un commun, dans les exemples que tu cites, ça remonte à un certain nombre d'années, puis un très fort entendement de la population, il n'y a aucun gouvernement qui va pouvoir toucher à ça. si la communauté est très très forte et derrière les règles qui se sont données pour des raisons de survie. Règles morales. Règles, mais concrètes. Je peux, quelqu'un qui dévie de la règle, je suis capable de punir socialement. Là, je suis capable de lui dire la faute est sanctionnée, puis tu as des sanctions mesurées. Ça, c'est Hurstrom direct. Là. Mais ça, c'est ce qu'elle a constaté dans ces populations-là. Alors, si ça, c'est un système qui fonctionne, ben la reconnaissance, c'est-à-dire ça peut fonctionner dans d'autres situations. Et... Fait que pour moi, c'est un peu le... Donc, c'est le droit au commun, le droit des communs, c'est d'une belle frontière. Je ne pense pas qu'on ait assez de poids politique, mais on réfléchit à ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est... dans l'idée de travailler, justement, sur la question des chartes, c'est que lorsque quand on dit charte, il faut penser aux licences de logiciels libres, qui sont des chartes. Tu as le droit d'utiliser mon logiciel à condition que... Ben, c'est une charte. Puis si tu dévites ça, ben, tu as des pénalités. Donc, on est vraiment... Et le logiciel libre, c'est un commun. Quand tu le regardes, quand tu le décomposes, ça reste un commun. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a comme instrument? Ben, tu as un certain nombre d'instruments, une charte, qui dit que tu as le droit de fonctionner comme ça. Donc, c'est quoi les chartes qu'on se donne comme collectif maintenant et qu'on peut prêter à un autre collectif qui part de là, qui avance? Puis que c'est un peu la frontière dans laquelle Rémix on est. On est loin de l'eau. Oui, c'est vrai qu'il y a... Justement, le rapport au commun, pas là ce que tu viens de dire à la fin, en fait, ce qu'on discute là, c'est la question de... Justement, il y a des modes d'exclusivité qui se produisent, de gouvernance, etc. Il y a des gens qui décident, etc. Et en fait, le commun serait justement un peu la... lutte contre ces exclusivités-là pour le droit et qui se revendique justement pas dans un mode d'usage exclusif. Je pense que par rapport à l'eau, par exemple, à partir du moment où on prend l'eau comme un bien commun, où tu cherches à mettre l'eau en commun, justement cette volonté de déconstruire les choses qui sont des usages exclusifs de l'eau, de la privatisation des berges, de la pollution de certaines zones de Congo, etc. Mais c'est pour faire une image, c'est le droit positif pour bourgeois capitaliste, peu importe comment on l'appelle, le droit écrit, essaie de clarifier ça. C'est une lutte infinie, c'est clarifier la prétention que ceci m'appartient de façon absolue. Puis tu as des choses extraordinaires qui apparaissent maintenant parce que ça craque de partout. Donc, ce qu'on appelle les fiducies. Il y a un mouvement incroyable sur les fiducies, présentement au Québec, sur la création de fiducies. Les fiducies, c'est confier à un tiers, qui est une entité juridique, qui est non-personne, quelque chose à perpétuité. C'est vraiment particulier comme structure, puis c'est très britannique, en fait, puis c'est des trusts, qu'on appelle. Ça existe dans le foncier, ça existe partout, mais c'est juste que cette figure-là commence à apparaître, parce que avec la croissance des fortunes, ben, tu as tellement d'argent que tu en fais quelque chose, puis la fiducie, davantage, c'est un véhicule fiscal intéressant. Fait qu'on crée ces bestioles-là qui appartiennent à personne, mais qui vont toujours donner de l'argent à certains bénéficiaires. C'est comme assez particulier. Mais le droit positif essaie de clarifier toujours ça. C'est que c'est ta maison. Le terrain finit ici, tu as le droit de faire telle chose dessus. Tandis que, quand tu reviens dans le droit coutumier, c'est. On tolère les dépassements. Il y a une zone. Puis c'est le collectif qui gère si c'est admissible ou si on doit changer la règle. Et ça, c'est assez intéressant. C'est cette négociation. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'art of commoning, c'est apprendre à convenir. Quand on dit convenir, c'est pas négocier. Négocier, c'est un peu chargé, c'est comme affrontement, mais. Convenir ensemble, tu sais, de changer. Ça vaut la peine de changer la règle parce qu'elle ne fait plus. Le droit positif, c'est compliqué. Ça prend des luttes. Il manque. C'est l'écho du logiciel libre que tu mentionnais tout à l'heure, où, en fait, on en a un peu parlé assez rapidement. Le paradoxe du copyleft, c'est de faire une licence pour protéger la liberté d'usage, de transmission, de modification, etc. Par rapport à un droit qui est complètement... Par rapport à un droit qui est justement exclusif, qui dit, ben voilà, le seul auteur de ce logiciel qui a le droit de... T'es plus libre de donner. C'est... Et du coup, pour lutter... lutter contre cette avancée de tel propriétaire et de cette multiplication des licences propriétaires, vraiment de propriété de tout ce qui est très immatériel. On crée une licence qui protège la liberté de qui protège contre la récupération possible dans l'appropriation. Ça, c'est la petite nuance qu'on fait entre ce qu'on appelle les biens clubs et les communs. Mmh. Les biens clubs, c'est on est entre nous autres, versus le commun, où tu as une perméabilité, la ressource n'est pas, comment ça veut dire, la ressource n'est pas à ton usage exclusif. On est dans la valeur d'usage. Et c'est sûr que pour des raisons X, pour les raisons de maintien de la ressource, tu pourrais dire, dans le fond, on a le droit, sur cette pêche-là, il y a seulement 40 pêcheurs qui peuvent y aller. Puis les convient, c'est les 40 pêcheurs. Mais après ça, ils vont avoir des mécanismes de rééquilibrage pour dire, il y a comme cette négociation. C'est aussi une charge, c'est que la ressource demeure. Quand tu dis ça, c'est que la ressource, tu crées la rareté. Et là, tu n'es plus dans le paradigme des communs. Un bien club, tu crées une rareté. C'est nous autres. C'est nous autres, ça. Puis tu n'as pas le droit de venir. C'est nous autres. Donc, tu viens de créer la rareté. Tandis que le commun, c'est dans le fond, c'est l'eau coule. Donc, on veut juste s'assurer qu'à l'autre bout, il y en a toujours d'autres qui coulent, puis qui s'assurent que tout le monde est correct. On est dans la notion de bien commun, là, ici, le collectif. Mais en principe, souvent dans la définition du commun, le collectif ne peut pas être juste. C'est pas un accaparement par le groupe. C'est pas ça. C'est comme cette nuance-là. La ressource n'appartient pas à personne. Fait que je peux pas dire que tu n'as pas le droit d'y avoir accès. Mais on peut convenir ensemble des règles pour avoir accès. Puis si les règles ne me font pas plaisir, bien, je reste dans le collectif, puis j'accepte les règles du groupe. Ou encore, ben, j'essaie d'échanger, ou j'essaie de négocier avec les autres. Mais ça, c'est la dynamique des communs. C'est par rapport à un bien club, que ça, c'est la règle, puis tu n'as pas accès parce que tu n'as pas le droit d'avoir accès. Ça, c'est. Tu vois, cette petite nuance-là, en principe, on dit que les communs sont ouverts. Tu sais, l'accès aux communs, l'accès à la ressource est ouvert. Comme dans le logiciel libre, tu peux aller télécharger. Il n'y a personne qui va t'empêcher de le télécharger, à moins qu'il y ait une panne de courant, là. Mais c'est un peu ça. Donc, tu fais bien de nuancer ça, mais le bon exemple que j'ai au Québec, c'est on a un exemple assez clair de ça. On a les ZEC, on a les pourvoiries. Ben, avant ça, on avait les clubs. C'est un beau trio, ça. Les clubs de chasse et pêche. C'était des clubs privés. Donc, bien club, là. Fait que tu sois membre du club, tu avais le droit d'aller chasser l'orignal et d'aller pêcher. C'est pas les pourvoiries. Non, ça, les clubs. En 77, 76, 77, on les a toutes nationalisées. Il n'y a plus de club de chasse privé au Québec. Il y a des terrains privés, il y a des gens qui ont des terrains où ils mettent des animaux, mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment des terrains, puis ils font l'élevage de cerfs. Mais les clubs de chasse, c'était des endroits où les Américains venaient, puis tout ça, là, puis c'était vraiment une histoire. Là. C'est là où Maurice Duplessis, un des premiers ministres, est mort sur un club. Ça serait des pourvoiries, tu dirais. Mais ça bon, on se retrouve, on ferme les clubs, puis on dit, mais comment on va gérer ce grand territoire-là, puis comment on va s'assurer l'accès à la ressource de façon équitable? Ils ont créé les ZEC. Les ZEC, ce sont des communs. Autrement dit, l'État a confié à des associations, il y a des ZEC de rivière aussi, en passant, ils ont confié la gestion de morceaux de territoire, qui étaient probablement des anciens clubs souvent, mais morceaux de territoire en disant, vous allez vous occuper de la gestion de ça. Ça veut dire quoi? Les chemins, alors, on va vous donner des sous pour le faire. Vous avez créé une association, puis n'importe qui au Québec a le droit d'aller sur une ZEC. C'est du domaine public, mais c'est juste géré par des associations. Ça n'empêche pas qu'il y a de la négociation, mais tu peux aller pêcher sur une ZEC. Tu payes les droits d'entrée, parce que ça fait partie du modèle économique, hein, tu veux faire vivre, faire des chemins, mais interdit d'empêcher l'accès. Donc, on est vraiment dans un commun, là, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un terrain qui est géré collectivement par le groupe des personnes qui s'intéressent à cette ZEC-là. N'importe qui peut y aller. Il vérifie la ressource. On peut pêcher 25 truites cette année, puis c'est 20 truites l'année passée, puis ça va être 30 parce qu'on en a beaucoup, pas beaucoup. Ça s'assure du maintien de la ressource. Mais puis l'État, ben, négocie avec ces associations-là des règles de fonctionnement. reconnaissance par l'État, mais débrouillez-vous, vous devez tenir une association, vous devez être organisé minimalement. Donc on a une situation de... Puis ça faisait tellement chier le monde que les propriétaires privés qu'ils ont créé comme, je pense que c'est sous Bourassa, peut-être comme 8 ans plus tard, ils ont créé ce qu'on appelle des pourvoiries. C'est-à-dire qu'ils ont pris des aides qui étaient plus ou moins, marchaient plus ou moins bien, puis ils les ont confiés à des propriétaires privés. Donc on avait un système assez fermé. Donc le domaine public, tout le monde peut aller au Québec sous le domaine public. Hein. Tu peux aller te tenter un endroit, n'importe où dans le domaine public, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de prélever, de boire, tu n'as pas le droit de des règles, mais c'est le domaine public. Donc, il y a des portions qui sont organisées comme commun, en disant, ben, prenez soin de votre zèque. À côté de ça, des pourvoiries privées. Donc, tu as un propriétaire unique qui paye, les gens vont payer des pourvoiries, puis vont ensemencer les lacs. Donc, c'est la même chose qu'une zèque. C'est une modalité de propriété. C'est le propriétaire qui prend des risques, puis qui fait faillite. Puis, tandis que les zèques, il y a une quarantaine, je pense, au Québec, peut-être plus que ça même. Ça fonctionne. Puis il y a une zone d'association, c'est démocratique. Les gens sont avec le président de la ZEC, puis ils prennent soin. Puis ils négocient, puis ils ont une force de représentation vis-à-vis du gouvernement. Mais parce que pourquoi le gouvernement aime ça? Parce qu'ils occupent le territoire. Le rôle de tous ces chasseurs, ces pêcheurs sur le territoire, c'est que la notion même d'État, c'est que tu occupes l'espace. Et puis tu as des ZEC, des Autochtones. Puis là, le dernier épisode, c'est qu'ils ont confié aux nations autochtones une pourvoirie dans le Grand Nord. C'est privé. Fait que là, quand on dit les Autochtones sont dans les communs et tout ça, bien là, ils ont une pourvoirie privée pour qu'ils amènent des gros, des pêcheurs et des chasseurs américains en avion, puis ils dépensent des fortunes. C'est le domaine public. Enfin, vous voyez, il y a comme des nuances. Toujours à regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, mais il reste que, dans ce cas-ci, on a les ZEC qui seraient proches d'un commun. On pourrait discuter de quel niveau, puis si la démocratie, puis si la prise de décision, tout ça. Puis le rôle de l'État, est-ce que l'État n'impose pas trop de trucs, là, ça, c'est ouvert à discussion. Mais un État qui crée des communs pour prendre soin d'espace assez... On parle d'espace assez important versus confier des entreprises privées la gestion du territoire. On a les deux modèles. Il n'y a pas le modèle l'État gère lui-même. Oui, le reste du domaine public est géré. Lorsqu'il y a des feux, on a une association qui éteint les feux. On a des agents de la faune qui s'occupent que ça se fait correctement, qui peuvent inspecter partout sur le domaine public, y compris dans les actes, les pourvoiries, s'assurer que il n'y a pas de surpêche. Mais ça, ils sont rendus très peu nombreux. Avec l'austérité qu'on a eue, le nombre d'agents de la faune ont diminué totalement. Vraiment, puis on protège les forêts pour l'exploitant forestier, pas pour les ZEC. C'est pour s'assurer que le bois ne passe pas au feu. Des nuances à tout ça. L'État a des intérêts différents nécessairement, mais la création des ZEC, c'est cette idée qu'on avait toute cette croissance de chemins forestiers qui nous permet de rentrer dans le territoire, d'aller très loin dans le territoire. Lorsqu'on est sur le domaine public, on ne possède pas le terrain. On peut construire un chalet. Il faut que ce soit déménageable ou démolissable. Mais tu peux avoir un terrain. Comme je disais tantôt, au Québec, on peut être tout seul sur un lac, avoir son lac à soi, mais qui ne sera jamais collectif, mais tu peux avoir le droit d'usage de cet espace-là. Parce qu'ils ne mettent pas trop de bâtiments. Puis ils sont en vente. À chaque année, il y a des ventes de ce terrain. Donc, de plus en plus loin, là, pour avoir un bon camion, pour se rendre là, mais on peut acheter le droit, un bail, sur un lac au Québec, puis avoir l'occuper. Donc, on partage la ressource, le domaine public. Parce que c'est des communs, c'est le domaine public, là, mais il y a des règles. Donc, on a ces structures-là que c'est intéressant. C'est toujours intéressant de documenter, puis de dire, nous, ce qui l'intéresse, c'est d'aller voir. J'ai beaucoup de parents qui vont à la pêche, qui vont à la chasse sur les ex, que j'ai des histoires, là, de comment ça se passe dans la vraie vie, mais est-ce qu'on veut que ça soit 100% de la participation de tout le monde dans un commun? Tu as des gens qui sont plus engagés que d'autres qui sont moins engagés. C'est normal. Mais lorsqu'il arrive des mobilisations, lorsqu'il arrive le besoin de défendre le commun, on sent qu'il y a un mouvement vers ça. Ça, c'est ce que tu souhaites avoir. C'est pas 100% de mobilisation. C'est lorsque c'est nécessaire, on se mobilise. C'est fatigant d'être mobilisé tout le temps. On voit ça dans les occupations. Épuisé? Non, moi, je pourrais rester 2 jours encore. Hein. C'était très riche. Ouais. Vous avez travaillé avec Kartiosan à Dakar? Oui, ben, ils étaient dans le projet Remix au tout début. Okay. Marion, surtout Marion. Oui. Ben, okay. Oui. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ah oui? Ouais. Cool. Comment ça s'écrit, Remix, pardon? Remix the Commons. Remix the Commons. Remix bien commun. R-E-M-I-X. Remix. Parce que l'idée, c'était d'offrir toute la vidéo qu'on a est en licence libre. C'est que si vous avez besoin de vidéos, allez piger dans Remix. c'est libre de droit, on s'organise. On a quelques-unes qui sont un peu contraignantes. On essaie d'avoir des... L'idée, c'était de remixer, de documenter, de faire en sorte que les gens puissent se repiger dedans. Puis... Des belles choses. Hein? Là, c'est ce qu'on essaie de faire. Ben, tout ce que nos contenus sont sur licence les plus ouvertes possibles, puis au moins reconnaître qu'on a, fait, on a travaillé fort pour les mettre là, là, mais après ça, c'est correct. Faites-en ce que vous voulez. Puis ben, on est ouvert à... Mardi prochain, là, ça vous tente de parler. On a un appel communautaire. Là, là. On essaie d'avoir cette pratique-là. J'enverrai l'information à l'adresse à tout le monde. Là, puis on a un appel communautaire parce que Remix, on est vraiment une association vraie depuis janvier. Puis c'est nous, notre coup d'adhésion, c'est donner 30 heures à Remix. C'est tout? C'est tout. Puis 30 heures, c'est participer à un événement, nous aider dans l'animation d'un truc, ça peut être à peu près ça. Puis on s'est dit, dans le fond, on est comme on est sur deux continents pour l'instant. L'Afrique, on est en train de travailler avec les gens de. Comment ça s'appelle? Pas Dakar, mais l'université en Nord. Mais on essaie de travailler. Donc, on donne un appel communautaire une fois par mois où on parle de choses qui arrivent, puis de sujets. Puis cette semaine, il y a une activité qui se prépare. C'est David Bodinier, de Grenoble, qui est là-dessus. Là. Il y a une activité qui se prépare en France, au fil de savoir comment les communs peuvent contribuer. Je ne suis pas là. Je vous envoie le message. Mm. C'est ça. Donc, l'idée, c'est. C'est s'inspirer, c'est... Nous, ce qui s'en vient, bien, je pourrais vous dire pour Remix, c'est... on était à l'université d'été d'attaque à Grenoble. On a eu 3 jours sur les communs, droit à la ville, municipalisme. On a eu, le retour qu'on a eu comme collectif là-dessus, comme collectif éclaté, parce qu'on était avec des gens de Utopia, puis des gens de Grenoble. Puis c'est que la formule de ces 3 jours-là, avec un deep dive en commun... Là, plonger vraiment, puis sur un modèle comme l'expérience qu'on a eue à Montréal en 2014, c'est intéressant, ça sera à reproduire, puis on aurait eu une chance pour Marseille, là, il y a comme une réunion, puis ça serait intéressant, mais l'idée, c'est pas juste de parler théorique des communs, c'est d'aider les commoners localement à avancer, et puis on essaie de voir si on va pas répliquer un autre 3 jours, peut-être un 3 jours à l'échelle européenne, là, peut-être à Berlin, ou... Ah non. mais l'idée, c'est un peu ça. Donc, c'est d'en parler puis de voir si on ne peut pas organiser. Quand on avait bien réussi l'Art of Commoning à Montréal, puis c'est ça qu'on a réussi des bonnes choses à Grenoble, c'est qu'on veut mélanger un peu les deux. Mais l'idée, c'est une journée sur approfondir les communs, la deuxième journée sur la posture de commoners, puis la troisième journée, c'est qu'on aide, on passe à l'action. Donc, c'est tête, main, cœur. La dernière journée, c'est on rentre dans les collectifs sur place, puis à quoi? Puis les collectifs au sens général, les projets de commun, à toutes les étapes où ils sont. Puis l'idée de dire aux gens, bien, regardez, si on était 70 à Montréal, il y a eu 15 projets, puis tous les projets ont eu 4 personnes à peu près à travailler, à avancer le projet positif. Des fois, tu as besoin d'un coup de main, de vérifier une hypothèse, d'autres fois, c'est de vraiment travailler concrètement. Fait que l'idée de passer à l'action, ça te permet d'entrer dans le commoning. Il n'est pas juste être théorique. Mais la première journée, c'était vraiment, on était avec David Boyler, puis Silke Elfrich, puis on avait vraiment Fred était là, c'est qu'on avait comme un niveau assez très élevé de penser sur les communs, mais c'était aussi, les gens pouvaient poser les questions les plus niaiseuses. On permettait aux gens d'entrer dans l'univers. Puis la deuxième journée, placée sur les communs et moi, là, ça c'est important, cette tension-là, cette, la posture de commoners. Puis donc on aimerait ça le répliquer à Montréal peut-être en France, puis peut-être en Europe. Puis on essaie de faire quelque chose, on est sur un horizon de faire quelque chose, on a un peu de sous pour faire quelque chose en automne 2019. C'est que ça serait le fun de travailler ensemble. Faire quelque chose là-dessus, que ça soit... Bon, tu sais, on est très ouvert. L'idée, c'est d'aider les commoners, nous, Remix, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme artefact, produire comme partage de connaissances, partage de savoir sur les communs, puis faire en sorte que les gens passent à l'action, puis ils sentent qu'ils... Il y a des idées, il y a des modèles, il y a des ressources dans lesquelles ils peuvent aller piger. Ça, c'est sans compter les ateliers sur le chartering, le tactical chartering, comme on essaie de voir, l'art de convenir. L'idée, ça serait de faire travailler à Montréal, bon, je suis un peu avec le groupe qui commence à travailler sur les communs, mais ça serait de les faire venir puis de travailler sur. De donner le défi en 6 semaines, en 6 rencontres à peu près, de développer des chartes dans nos réalités locales. À quoi ça pourrait ressembler une charte? Puis la charte peut être dessinée, ça peut être un dessin, ça peut être un artefact, ça peut être toutes sortes de choses. Voilà. Un puzzle, ça peut être. tu as le temps pour déjeuner, tu veux déjeuner? Non, j'ai un rendez-vous à 1h30. D'accord. De l'autre côté de la ville. Ben, bonne fin de séjour à tout le monde. Merci. Amusez-vous bien. Merci infiniment, vraiment. Puis n'hésitez pas à nous écrire. J'envoie le maximum d'informations. S'il y a des points d'éclaircissement en m'écoutant, il va sûrement en avoir. C'était super. Vous m'écrivez. Ça fait pas mal de propositions pour dire voilà, il va se passer ça, nous on est là-dessus, etc. Mais c'est vous? Pas mal aussi qu'on voit la perche en disant il y a beaucoup. Oui, ben, ce qui est le plus actif, si vous voulez vraiment faire connaître vos activités sur le sujet des communs, c'est la liste échange, si vous la connaissez. Je t'enverrai l'information. Il y a une liste qui existe depuis 2012, qui a été créée par VECAM sur les communs en francophonie. Et c'est pas mal là, c'est beaucoup Fred qui l'anime, là, la liste, qui rabat le matériel un peu, beaucoup, mais il y a quand même il y a peut-être 800 personnes dessus. Donc des gens qui s'intéressent aux communs à toutes sortes de niveaux, là. Fait que pour vos activités, ça résonne généralement assez bien. Et c'est pas juste Paris. Un petit peu partout. Ça, c'est chouette. Ouais. Ouais. Ouais. Vous pouvez vous abonner. Ouais. Puis, voilà. Oui. Une question par rapport au bateau. C'est juste une réflexion sur Navi. Comment il s'appelle? Rotterdam. Ecomaris. Oui, ah, oui, ben oui, c'est là la vidéo qu'on avait faite pour déjeuner des communs, c'était sur le voilier. Je voulais savoir juste si vous aviez des contacts ou des... Le gars s'appelle Simon, il a travaillé avec une bonne amie à moi, Marie. Et Marie ne travaille plus avec eux autres. Ils sont à Rimouski, mais je ne sais pas où ils en sont rendus, à vrai dire. Ça fait un bout de temps que j'ai... Hein? Est-ce que c'est affilié avec l'Université de Rimouski? Ou c'est un gars qui petit, enseigne qui... Non, bah, je sais pas, mais c'est le bateau-école. Bateau-école, le bateau... Ouais, parce que je connais quelqu'un. Ah, ben, ils ont une session de workshop retapage du bateau, ouais, un petit peu. Okay. Donc je crois que c'est la semaine prochaine, ils sont censés être là. Ah, ben tant mieux. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils travaillent, dans quel chantier? Ben écoute, vous avez son numéro de téléphone, vous avez appelez là. Puis je connais plus. Il était à Montréal, puis mon ami Marie a travaillé il y a 2-3 ans avec eux autres, pendant au moins un an et demi. Puis c'était vraiment monter un peu l'offre un peu de pour les. Puis mais je sais qu'ils étaient à bout à Montréal, mais là je les ai perdus de vue depuis. Mais contactez-les directement. Puis allez sur le bateau, donnez un coup de main. Mais ouais. Je ne sais pas quelle autre initiative il y aurait. Mais... Super, super. Il y a, du point de vue urbanistique, j'étais au courant d'un gros projet au niveau de l'aménagement des berges, tout Montréal, le sud de Montréal, les îles Boucherville, vraiment toute la partie sud. Il y avait un gros projet avec toutes les villes. C'était vraiment, comment ça s'appelle, commission métropolitaine, comment ça s'appelle, Montréal, puis tu as là. Ville-centre? Non. Montréal, la région métropolitaine. La communauté métropolitaine de Montréal. Ouais, c'est eux qui pilotaient ça sur un gros projet d'aménagement. C'est comme comment voir de façon intégrée, pas juste la ville de Montréal, mais voir intégrer tout ce couloir-là du sud de Montréal. Je sais qu'ils étaient sur un plan d'aménagement ou un plan. Ça a été repris 2-3 fois, puis là, c'était comme. Je ne sais pas où vous en C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Ils ont travaillé sur un autre Montréal bleu. Ouais, ben, c'est vrai, ça allait jusqu'à Boucherville, mais c'était vraiment tout ce secteur, les îles, puis comment utiliser ça, là, comme pas juste, ben, touristiquement parlant aussi, mais aussi comme actif, qui n'est pas juste un encombrement pour les bateaux, puis le dragage pour passer les bateaux, mais aussi, il y a ce couloir-là, qui est un couloir vert naturel, puis c'est un couloir bleu aussi, donc c'est comment puis mettre en valeur, donc avec des plages, des accents, donc il y a plein d'études sur tout cet espace-là, puis ça a jamais. Il y a un groupe beaucoup très actif dans l'Est aussi qui a travaillé sur les berges, dans l'Est de Montréal. Je ne viens pas le nom. Pointe-aux-Trembles, c'était question de. Il faut aller voir autour de la CMM, là, puis je ne sais pas où ils en sont rendus, mais c'est ce que je sais qu'il y a eu pas mal sur. D'un point de vue plus structurel, plus régional. Parce que du côté nord, ça impliquait le côté nord, mais c'était moins. Développer un peu. C'est vraiment toute la berge. C'est un horreur. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis il y a eu aussi l'idée de... C'était des idées politiques de faire de la ville du côté du fleuve, la porte d'entrée, puis de toute la réaménager à l'époque de Bergeron. Ouais. Commission métropolitaine de Montréal. Merci beaucoup. C'était top, ouais. Ouais. Plaisir. Bateau-école. Gros merci, moi ça a fait des liens que je connais.